Drake sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, il est 22h12 et Anso vous l'a dit il y a quelques minutes, c'est la période des examens, c'est la galère. Honnêtement, on se rappelle vraiment, même si c'est loin pour certains, hein, Anso, de cette période. C'est vrai que moi c'est tellement loin que j'ai pas passé un examen dans ma vie à part le brevet. Donc C'est déjà pas mal, mais c'est tellement loin que, enfin, honnêtement, moi ça m'a tellement marqué, le stress, tout ça, j'en ai encore des frissons, c'est-à-dire que moi je dormais pas. Oui, ben, je comprends, mais toi, t'es une anxieuse. Moi, je suis une anxieuse, du coup, je suis avec vous, je compatis, et pour vous détendre, on va se faire les perles du bac, c'est le vrai faux du soir. Le vrai faux du night show. Vous allez me dire si ça a été dit ou pas, l'année dernière, c'est une édition 2015. Ah. Attention, il y a du lourd. Un polygone est un homme qui a plusieurs femmes. Ça a été dit ou pas? Ouais, ça a été dit. Ça a été dit, c'est sûr. Alors que c'est tout à fait une forme géographique. Ouais, c'est ça. Et qu'un homme qui a plusieurs femmes, c'est un polygame. Géométrique. Oui, tout à fait. Géométrique, peut-être. T'as dit quoi? Géographique. Allez. Elle est belle, celle-là. L'Afrique du Sud a été créée par Nelson Mandela au 19e siècle. Non. Ah, ils l'ont dit, ça, c'est sûr. Ouais, ils l'ont dit. Exactement. Wow. Pourquoi pas? Alors que tout le monde sait que l'Afrique du Sud, c'est un très beau pays. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a quatre côtés. Ça a été non. Si, si. Hein non. Non, quand même pas, là. Attends, faut y aller, là. Attends, quand même. Au Japon, il y a tellement de Japonais et pas de place qu'il faut construire des aéroports souterrains. Mais non. Eh bah, si, ça a été dit. Je te promets, il y a un mec qui a mis ça en copie, quoi. Ah non, mais franchement. Truc de ouf. On met un point-virgule quand on sait pas ce qu'il faut mettre entre un point ou une virgule. Non. Ah si, possible. Non, mais je trouve ça plutôt pas bête. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand on hésite, le point ou la virgule, eh ben on met un point virgule, c'est la vérité en plus. Oui, tu veux ponctuer plus qu'une virgule, mais moins qu'un point. C'est ça. Ouais, en fait. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Mais qui dans l'équipe utilise le point virgule? Mano. C'est sûr. Les ondes électromagnétiques sont les ondes ultraviolets, les micro-ondes et les grandes ondes comme RTL. Ça a été dit ou pas? Oui, je crois. Non. Oui, ça a été dit. Mais c'est pas possible. Bah si, je te jure, il y a un mec qui a dit ça. Mais peut-être qu'ils veulent faire sourire les profs aussi, je sais pas. J'espère ouais, mais qu'ils y croient pas. Tu prends pas le risque quand tu passes le bac de faire sourire les gars, quoi. Je sais pas. Ça concernait un sujet de philo. Il en faut peu pour être heureux, comme le chantaient les sept nains de Blanche-Neige. Non. Si. Oh non. Il y a un mec qui a mis ça. Je pense qu'il était. Ouais. Mais cela dit, ils sont pas cons ces sept nains aussi de Blanche-Neige. C'est vrai qu'il en faut peu pour être heureux. Bah d'accord, mais tu mets pas ça sur une devoir de philo. C'est pas con. Bah oui, il en faut peu, regarde. Elle sait pas non. Où elle va. C'est aux habitants du Mali que l'on doit l'expression faire pas le malin. Non. Bah si, ça a été dit. Fais pas le malin, ce ouais. serait du Mali. Non, le malien. Bah je sais pas. Ça a été écrit comme ça. Je sais pas mais pourquoi. N'importe quoi. Bah si. Et l'angle obtus est un angle très gros, comme les sourcils d'Amir, mais en plus classe. Ah ouais, si ça a été dit ça. Ouais, ça a été dit. J'espère que vous allez faire des vannes sur les sourcils d'Amir dans les paires de cette année. Ah oui. Ça va être drôle. Appelez-nous là vous aussi, 01 42 48 5000. Venez nous raconter vos plus grosses perles là qui vous est arrivée vous aussi. On revient dans un instant, puis il y a le double fun qui débarque aussi sur Fun, bougez pas. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Chanson du genre gros dossier ce matin. Elle était en couple depuis 6 ans. Et puis il y a un mois, elle a craqué, elle a tout envoyé péter, elle s'est barrée. Mais maintenant, elle regrette. Que dirais-tu de revenir vers moi? On ne comprend rien à ce que mais vous êtes en train de vous dire. Il faut un traducteur de chialade. Je l'ai dans les tripes, je l'aime. Et malgré que c'est dur, bah ouais, je l'aime. On oublie les conneries. Vous vous retrouvez aujourd'hui et on repart comme en 14. Ouais, on va essayer. Ah, ouais. Bah oui. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016. Ils entrent sur le terrain. Plus de 80 journalistes et consultants pour vous faire vivre 100% des matchs en direct. Ils sont tous là. Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Robert Pires, Marcel Desailly en grande forme, Darren Tullet, Luis Fernandez, Christophe Jos bien sûr, et un Bruno Cheroux très motivé, sans oublier... Vivez l'intégralité de l'Euro 2016 avec tous les matchs de la France et un dispositif exceptionnel 24 heures sur 24, seulement sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur Beansport. Salut, c'est Amir. Du dimanche au jeudi de 22h à minuit, j'écoute le Night Show de Marion et Anso sur Fun Radio. Alors lui, c'est un beurre. Hein. Amir, ouais. Il revient quand il veut dans cette émission. On a adoré l'avoir. Et t'as vu quand il dit Anso dans le jingle, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans sa voix qui fait, qui veut dire pas Anso, mais qui veut dire Anso, je t'aime. Non, pas du tout. Non, il y a que toi qui as vu ça, chérie. Bon, on parlait des perles du bac ou des autres examens. D'ailleurs, il y a pas de souci si vous avez déjà répondu complètement à côté de la plaque à un truc. Venez, on en rigole ensemble, on se détend avant les examens. 01 42 48 5000. Voilà. Fab, Denis est avec nous. Bonsoir Fab. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va ou quoi ? Salut. Oui, ça va et toi ? Impeccable. Alors dis-nous Fab, qu'est-ce que t'as fait toi ? Moi ça remonte, oui, ça fait 2 ans maintenant, quand j'ai passé mon bac blanc, le tout dernier, au bac de français, le sujet il m'inspirait vraiment, mais vraiment pas du tout. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit une histoire vraiment bidon. J'ai dû écrire 3 lignes et j'ai marqué la suite au prochain épisode. J'adore. Ah ouais. Sauf que le problème, c'est que quand j'ai reçu ma note, elle m'a marqué la note au prochain épisode. Mais bon, la note était vraiment là, il y avait un marqué 0. Elle a de l'humour quand même. Hein. Et Fab, c'est quand même très très drôle. Mais d'ailleurs, il y a des trucs qui traînent comme ça sur le net souvent. On voit les punchlines des profs sur les copies comme ça. Mais moi, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas des légendes urbaines. Tu sais, le fameux c'est quoi le culot ? C'est ça et rendre une feuille blanche. Tu vois, par exemple, t'as déjà entendu parler de ça ? Qu'est-ce que l'audace ? Ouais. C'est ça, en philo. Franchement, est-ce que quelqu'un a vraiment fait ce dos ? Moi, j'y crois à moyen. Moi, j'y crois pas non plus. Et je vais vous dire, moi, on prend pas pour une buse. Quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal ça, le coup de la suite au prochain épisode. Et t'as tenté quoi. Et Fab, du coup, raconte-nous un petit peu ton cursus scolaire. Est-ce que t'as eu ton bac ? Du coup, oui, j'ai quand même eu mon bac. Bon, pas grâce au français, bien sûr. Mais ouais, j'ai eu mon bac et du coup. J'ai arrêté après le bac pendant 1 mois et demi et j'ai repris en BTS. D'accord. Et maintenant, tu fais quoi ? Maintenant, je suis au chômage. Bah, tu cherches dans quoi ? Profites-en, Fab. Dans tout ce qui pourrait venir, sécurité, n'importe, sécurité des événements, sécurité incendie dans les bâtiments, tout ce qui peut passer. D'accord. Et t'es sur Nîmes, c'est ça ? Ouais. Bon, bah, si jamais quelqu'un là sur Nîmes a besoin de quelqu'un comme ça, de fort, de motivé, de gentil dans la sécurité, 01 42 48 5000. On te tient au courant, Fab. Bisous, Fab. Ah, bah, pas de soucis, merci beaucoup. Et vive la sécu. Bisous, Fab. Ouais. Il y a Clémence aussi de Lyon qui est avec nous. Bonsoir, Clémence. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir, les garçons. Salut. Ça va, Clémence ? Salut, bébé. Mais toi, t'as trop une petite voix de beurre à pas faire de perles. Eh ben, les apparences sont trompeuses. Qu'est-ce que t'as fait ? En fait, à mon bac blanc de philo, à la question « Que fait Manuel Valls ?» « Que fait Manuel Valls en tant que... » Enfin, son métier, quoi. Bah, moi, j'ai répondu « Ministre de l'Éducation. » Ah ouais. C'est quand même. Enfin, quand même. Non, mais tout le monde sait qu'il est ministre du sport. J'allais dire l'agriculture. Oui. Non, mais tout le monde sait. Enfin, après, ça dépend quand il était ministre de l'Intérieur ou quand il était Premier ministre aussi. Ah, bah oui, parce qu'on change de fonction. Ouais. Bah, alors, c'est l'année dernière. Ah oui, bah quand même, Clémence. Ouais, là, quand même, c'est une petite perle. Et qu'est-ce que t'as dit, le prof ? Que c'est sûrement à sa place que je finirai. Et je pense que c'était pas un compliment. Oula, bah ton prof, on connaît un peu son. Ouais. Et paf, il est engagé quoi. Bon, ça va quand même comme perle, il y a pire. C'est sûr, mais j'ai eu du mal à regarder le prof dans les yeux quand il m'a rendu ma copie quand même. Ouais, j'imagine. Je croyais qu'elle pleurait, Clémence. Mais genre, est-ce qu'il t'a affiché devant tout le monde en disant ta réponse ou pas ? Non, mais il a demandé. Enfin, quand il a dit que j'avais 0, parce que du coup j'ai 0, tout le monde était. Choquée parce que je devais être le seul 0, sinon il y avait des 3, 4, et donc tout le monde a voulu savoir. Clémence, 3, 4, c'est pas non plus. Non, mais c'est, du coup, ça devait être mieux que moi. Et du coup, ce gentil prof m'a dit, bah écoutez, vous lui demandez la fin du cours. Alors tout le monde est venu me voir, et puis je pouvais pas mentir. Allez, je comprends, Clémence. Mais j'étais persuadée que c'était lui. Hein. T'es mignonne. Bon, c'est pas bien grave, maintenant tout va bien pour toi. Oui, bah j'ai eu mon bac. Ah, félicitations. Bravo. On t'embrasse, ma Clem. Merci. Bisous, Clémence. Bisous. Ciao, ciao. J'ai quand même envie de faire un petit tour d'équipe sur les perles. Est-ce que vous vous souvenez de certaines réponses que vous avez pu faire dans l'équipe, des trucs un peu approximatifs ? Anso, par exemple. Alors moi, je m'en souviens. En anglais, c'était en 6e. La prof, en gros, la question c'était: Her short is green or blue. Genre, son short est-il vert ou bleu? Ouais. J'ai répondu yes. Ah, d'accord, toi, t'es pas très fut-fut. Mais non, mais en plus, je savais très bien que la réponse, c'était no. Mais. Non, mais attends, mais il n'y a pas plus classique et simple comme question que ça. Mais attends, j'apprends l'anglais en sixième. Merci, j'ai paniqué, j'ai répondu yes. Ça t'est jamais arrivé à toi? T'as jamais fait de perles, toi? Bah non, moi, pour le coup, j'étais hyper calée en cours et j'ai aucun souvenir de perles. Amir, toi, t'en as fait, toi? Moi, des perles en cours? Ouais. Non, franchement, non, parce que j'étais pas con comme mec. Hein. Ouais, ah, c'est toi vrai. Non plus. Alors, y a que moi l'abus de cette équipe, quoi. Mano, peut-être à la réa, t'en as fait, toi, ou pas? Non, moi, j'avais plutôt un bon niveau. Et après, quand je savais pas, je faisais tout pour que la prof m'interroge pas, pour pas que je passe pour un con, quoi. C'est vrai. Et quand tu savais, tu faisais quoi? Bah, elle m'interrogeait pas, quoi. Personne le calculait, le mec, de toute façon. Ouais. C'est énorme. Il y a Jules de Paris qui est avec nous aussi. Bonsoir, Jules. Bonsoir, mon frère. Ça va, Jules? Ça va, et vous? Ouais, très bien. T'as quel âge, toi? J'ai 22 ans. Ok, t'as eu ton bac? Ouais, j'ai eu. Ah, alors dis-nous, est-ce que t'as fait une perle? Ah ouais, une belle d'ailleurs. Dis-nous. Ah, raconte. Eh ben, avec le stress, je me suis pointé à l'oral d'anglais et j'ai fait mon truc d'espagnol. Hein? En gros, j'ai eu mon oral d'anglais et je me suis pointé, j'ai parlé espagnol, quoi. Waouh. Donc alors, mais pourquoi? Bah, je sais pas, le stress, tout ça, et puis du coup, j'ai inversé et voilà. Non mais c'est pas possible concrètement. La prof, elle te pose quand même des questions en anglais. Tu peux pas confondre. Ah mais en gros, il y a une partie où c'est un truc qu'on a écrit, quoi. Donc en fait on récite. Donc là elle intervient pas. Et ouais. Ensuite les questions. Donc moi j'ai fait tout mon truc en espagnol. Et après à partir du moment où elle a commencé à me poser des questions en anglais, je me suis dit ah merde. Oh, ah, effectivement. Et alors t'as eu combien? Ben j'ai eu 2. Oh merde, le pauvre. Ah, c'est chaud ça. C'est-à-dire, l'équipe, est-ce que franchement vous paniquiez pas trop avant les oraux? Bah, l'oral d'espagnol, il est chaud. Bah, je sais pas, moi j'ai jamais passé d'oral de langue. Ah oui, c'est vrai. J'ai passé un oral de secrétariat, cependant. Ouais. Je m'en suis pas trop mal sortie. Hein. Amir, l'oral. Bah, moi si, une fois à la fac, je devais passer mon oral. Ouais. Et c'était un oral de sociaux. Et en fait, je l'ai passé tout seul. C'est-à-dire? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé tout seul dans l'amphi. Parce que tout le monde pensait que l'oral était décalé. Il y avait que moi qui avais compris qu'en fait que non. Ah, parce que c'était un oral collectif. C'était un écrit qui s'est transformé en oral. Ah oui, bah parce que du coup t'étais tout seul. Ah d'accord. Tout seul. Et alors là, du coup, je me suis régalé. Et je lui ai raconté que de la merde au mec. Hein. Mais ils étaient cons dans ta classe ou quoi? Bah, faut croire. C'est pas possible. J'étais tout seul, mais vraiment tout seul. Il y a pas une personne en plus. Et t'as eu une bonne note? Ah, j'ai eu 14. Ah, oh, c'est mon champion. Wow. Il est là. Mais il y a pas mal de gens sur les réseaux qui disent n'importe quoi aussi. Il y a Monsieur Bobby qui dit mon frère a mis DS, les deux lettres au lieu de DS, et d'écrire le vrai, tu vois, DS, le féminin de Dieu. C'est quand même, tu vois. Bah ouais, attention. Ah, faut faire attention à ce genre de truc. Il y a Julien Danger aussi qui est avec nous. Attention, Julien. Hein. Salut tout le monde, salut Marianso. Ça va, Julien? Ouais, impec. Alors dis-nous, qu'est-ce que t'as fait, toi, comme perle? Bah, moi, en fait, j'étais en anglais, et puis elle nous a demandé comment on dit bonjour. Et moi, comme un con, en fait, j'ai dit bonjour. Je suis tout à fait capable de faire ce genre de dos. Ah, mais Marion, et franchement, Julien, je sais pas si t'es un fidèle de l'émission, mais tu remarqueras que Marion, ça lui arrive très, très, très, très souvent. Oui. Ouais, quand je veux parler anglais, je dis souvent des merci au lieu de thank you, quoi. C'est ça. Je sais pas, c'est un réflexe. Elle est magnifique. Ouais, bah, j'ai remarqué. Bah, je suis avec toi, moi, mon pote. Hein. Mais du coup, Julien, tout le monde s'est marré, tout va bien? Bah, oui, voilà. Ouais, merci. C'était pas pendant un examen, donc ça va. Oui. Ouais. Eh bien, écoute, nous t'embrassons, jeune Julien, bilingue. Ouais. À bientôt. Bisous. Pépère, est-ce qu'on ne te demanderait pas, toi, si t'as fait une boulette, une perle pendant un examen? Bah, Pépère, lui, il a fait une boulette en SVT. En SVT? Raconte. Oui. Un sciences et vie de la Terre, pour ceux qui ne connaissent pas. Mm-hmm. Bah, on devait faire un truc avec une grenouille, et moi, j'ai confondu disséquer avec dépuceler. Et du coup, j'ai pris un avertissement et une mycose. Hein. C'est dégueulasse. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Ludovic, le youtubeur, va nous rejoindre dans l'émission. Et puis juste avant, Martin Garrix. Ah. Alors attention, si vous entendez David Guetta juste après 32-28, on vous envoie les 3 jours avec transport, hébergement à l'Electro Beach Music Festival. Je vous le dis, appelez-nous 32-28. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. we fire at the sky, but this time we are together. Right here in this moment where we belong. À l'instant sur Fun Radio et content, je m'insulte. Ah là là là là là. C'est David Guetta tout de suite. On est en train de vivre tous ensemble le double fun. Donc appelez maintenant 3228. On vous envoie assister à cet événement de malade, l'Electro Beach. 3 jours de passe, transport, hôtel, hébergement. Appelez-nous 3228. C'est le double fun et David Guetta. I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Jour de fête à l'Electro Beach 2016. C'est le double fun sur Fun Radio. C'est quand même l'événement de dingue avec l'un des plus gros line-up que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que seront réunis David Guetta, Martin Garrix, Tiesto, Axel Ingrosso, DJ Snake, Hardwell. Et encore là, c'est qu'une petite partie. Ce sera sur 3 jours, 14, 15 et 16 juillet prochains à Port Barcarès, l'Electro Beach Music Festival avec Fun Radio. On est trop fiers de vous envoyer là-bas. Mais t'imagines la teuf que ça va être. C'est énorme, il n'y a que Fun Radio qui peut offrir des cadeaux comme ça. Ah, exactement, ouais. Marion. On va appeler le gagnant. Tout à fait, il est déjà avec nous-même. On appuie sur la ligne, je stresse pour lui ou elle. Moi aussi. Allô. Il s'appelle Luc. Bonsoir Luc. Allô. Ça va Luc? Ça va et vous? Bah ouais, très bien, t'appelles d'où toi? Moi je suis de Toulouse. De Toulouse, d'accord. T'es fan de qui, toi, en DJ, tout ça? On écoute quoi, du côté de Toulouse? Bah, un peu de tout le monde. Moi, j'aime bien Tiesto. Ouais. Je suis pas mal Tiesto. Après, bah, le reste aussi, j'écoute. Tout ce qui est électro, de toute façon... D'accord, on aime faire la fête, quoi. Hein. Ah bah, carrément. Bon, alors, Luc, pour aller à l'Electro Beach, c'est simple, faut que tu répondes à une question. Qu'est-ce que t'as entendu sur Fun Radio? J'ai entendu les deux tubes de David Guetta. Eh ben non, mec. Ah, ah non. Bras, c'est raté. Eh ben non, mec. C'est on peut pas lui faire ça, Luc. Il s'est planté, mais c'est le, on va dire que c'est le stress. Ah ouais, mais attends. Non, mais c'est pas possible. S'il a appelé, c'est qu'il savait. C'est attends, pas possible. Attends, c'est quoi la réponse? Réfléchis bien, Luc. Qu'est-ce que t'as entendu sur Fun? Il y avait David Guetta. Et juste avant, c'était quel artiste? Luc. Ouais. Bon, bah, ah bah ouais. Non hein. Eh, c'est chaud, on fera gagner tout à l'heure. Bah non. Excusez-moi, la règle c'est la règle. Ouais. Hein, ouais, la règle c'est ça. Normalement c'est qu'est-ce que t'as entendu sur Fun Radio, le double fun. Ouais. C'était Martin Garrix et David Guetta. Ouais, aussi, mon Luc, pote. Hein. Il faut bien écouter hein, parce que là c'est pas normal là. On n'était pas attentif là. Attention tout sur Luc. Ah bah ouais mon Lucis. Et bon, bah non. Luc, tu sais quoi? On va t'envoyer un pack Fun Radio. Mais bon, il y a tellement de monde aussi au standard qu'ils doivent être là. Ouais, non, mais il a pas la bonne réponse et tout. Donc il nous faut la bonne réponse. On est désolé, Luc. Désolé mon pote. On t'embrasse très fort. On t'embrasse très fort. Bah du coup, continue à nous appeler hein. 32-28. Est-ce qu'on prendrait pas un gagnant là, le premier qui appelle là tout de suite maintenant? Eh ben écoute, Enzo, Cindy, vous nous mettez le ou la gagnante en ligne là tout de suite, le premier qui appelle et qui a la bonne réponse sur le double fun évidemment. On pouvait pas faire ça, c'est pas juste pour les autres qui jouent et qui ont les bonnes réponses quand même. Ouais, c'est clair. Faut quand même savoir. Pour le coup, si vous voulez, je vous donne des nouvelles de DJ Snake que je viens de tweeter. Ouais. Alors. Je l'ai tweeté en disant DJ, cher DJ Snake, ton nouveau titre Talk et toi, je vous aime. Ouais. Bon bah on est sans réponse de la personne. Hein. Bah c'est pas grave, ça va retweeter bientôt. Ah ouais, moi j'en suis sûre. Hein, parce que DJ Snake et moi, on est comme cul et chemise. Et continuez à appeler la 3228. Ouais, maintenant, si vous avez le double fun, la bonne réponse, la bonne combinaison. Voilà, c'est David Guetta, Luc l'a dit, mais c'est pas avec un autre David Guetta. C'était qui avant? C'est avec un autre DJ, un petit DJ qui a une tête de tête à bisous. Il était à la Fun Radio, bon. Des expériences, il est trop mignon. Et c'est Claire qui est avec nous. Ça va Claire? Ça va super. Alors attention Claire, grosse pression sur tes épaules. Est-ce que tu as la bonne réponse? Qu'est-ce que tu as entendu sur Fun Radio? Le double fun, Martin Garrix, c'est David Guetta. Claire, c'est gagné. Voilà. Et Luc est en train de déprimer, mais Claire, c'est gagné. Mais il y a d'autres double fun, Luc. Hein. Tu mais pourras rejouer, puis tu te plantes pas, mec. Et puis c'est la règle. Hein. Claire, tu vas assister à l'Electro Beach. Ce sera les 14, 15 et 16 juillet prochains à Port Barcarès. On s'occupe de tout, transport, hébergement et tes passes pour assister aux 3 jours de teuf. Ok, Claire? C'est génial, merci beaucoup. Et écoute, on t'embrasse très très fort, ma chérie, et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. D'accord, merci beaucoup. Oh, je suis toute émue pour elle. Bisous, ma Claire. Salut. Et bien voilà, ça fait plaisir de faire du bonheur comme ça. Bah oui. On aime bien. Ce soir, Ludovic est l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Et je ne vous cache pas qu'on est hyper excités dans l'équipe parce qu'on l'adore. Ludovic est là, s'il vous plaît. Ouais. Ludovic. Il y a une bonne ambiance ici, je suis content. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Ouais. Oui, et toi? Bah oui, merci de m'inviter, ça me fait super plaisir. Ah bah avec plaisir. Alors déjà, je te présente Anso parce que la dernière fois que tu es venue avec tout le studio Bagel, elle était pas là, elle était sur une petite maladie, donc tu l'avais pas vue. Elle était sur un diabète quoi. Voilà. Et là, ça va mieux? Bah on est sur un diabète à vie, hein, mais ça va. D'accord, ok. Des bons mots à te proposer, mais non. Ludovic qui vient nous voir, alors pour un événement, mais juste énorme. Ouais. Le gars fait son Olympia, en fait. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu vas fêter ton million de fans sur Facebook et donc à l'Olympia. Oui, j'ai décidé de fêter ça tout modestement à l'Olympia. Je voulais faire ça en public cette fois parce que normalement, je fais des vidéos pour célébrer mon nombre d'abonnés. Ouais. Et là, j'arrive au million. J'ai dit, je vais le faire avec mes fans. Et du coup, j'ai eu l'Olympia, donc c'est assez ouf, je suis très content. C'est alors, dingue. Ludovic, si vous le connaissez pas, c'est juste le mec qui n'a pas de limite, pas de tabou, et en fait qui va au-delà du loin. C'est-à-dire le beau gosse aussi, tu peux dire. Ouais, le beau gosse, j'avais oublié, pardon. Mais juste, le mec, il est tellement énorme, c'est-à-dire que... Énorme, tu veux dire gros non. Ou... Non, pas, précise bien. Parce non, que mais je veux dire, mec, c'est pas que tu vas dans le trash parfois, mais moi j'adore, je suis hyper cliente. Je mais très ça souvent énorme. Avec Marion, d'ailleurs, on se dit, mais t'as vu ce qu'a fait Ludovic, et à chaque fois, c'est énorme, quoi. Ah ouais. D'accord, ok. Il est énorme, là, c'est toujours dans le gros. Ouais. Très bien, t'as ta chaîne perso sur YouTube, c'est Ludovic, tu fais aussi partie du studio Bagel, et donc 1 million sur Facebook, donc si vous voulez le découvrir, le petit Facebook, c'est Ludovic partout, de toute façon. Oui, Ludovic avec un K, si vous voulez voir mes vidéos. Voilà, on a plein de monde pour toi au téléphone, on a plein de jeux, on a préparé, on a bossé. Allez, génial. Et je tiens à préciser, pour ceux qui nous écoutent, je suis venu avec ma femme, Greg. Ah oui. Juste là. Alors présente-nous. Bonsoir. Voilà, ça c'est ma femme, c'est Greg, il fait plein de vidéos avec moi et je voulais qu'il vienne à la radio avec moi aussi aujourd'hui. D'accord, donc on peut le voir sur tes vidéos aussi. Oui, voilà, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Et c'est le plus beau roux. Voilà, c'est mon roux de secours. C'est vrai. Et Greg, je suis content parce que depuis qu'on fait des vidéos ensemble, il tourne un petit peu, là, il a tourné en figure, mais dans un film. Ouais, il m'a montré des photos. Ils sont partout, le film qui est sorti récemment, là. Il a une scène avec François Damiens. Une superbe marche pour les roux. Pour notre communauté. Ah bon, voilà. D'accord. Bon, c'est un tout petit passage, mais quand même. Et là, t'as eu un rôle dans une série, c'est sur quelle chaîne? W9. Sur W9, il joue dans une série avec David. Excusez-moi. David Salle, voilà. Ah ouais? Hey. Non, le mec pèse. Ok, bah écoute, on va sortir Ludovic, on va garder Greg. C'est ok, là je me casse. Bon, bougez pas, les gars, on a plein de questions, on a plein de trucs pour vous. Alors, il y a Chloé de Châteauroux qui est avec nous. Bonsoir, Chloé. Salut l'équipe, salut Marion, salut Anso, salut Ludovic. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu fais quoi ce soir? Pas grand chose. J'ai envie de travailler, donc du coup c'est un peu compliqué. D'accord, ok. Vie de merde. Hein. Ça, tout ça, ouais. Vas-y ma belle, pose ta question. Moi du coup je sais que tu fais ton million de fans de ces joueurs de l'Olympia, donc j'ai fait une place avec ma meilleure amie. Ouais. Et donc je voulais savoir ce que tu nous prépares. Et bah... Il y a des grosses surprises. J'ai envie de dire réponse le 6 juin, tu verras, vu que t'as pris ta place, c'est bien. Ah non, mais on veut une petite exclu. Déjà, il y a l'avant-première de la vidéo du million. Si je peux dire que la vidéo du million, elle fait 10 minutes. Ouais. Elle D'accord. est assez fat. D'accord. Je suis très content de la projeter. Et ça fait longtemps que je bosse dessus. Ça m'a pris au moins 6 mois d'écriture. J'ai galéré à l'écrire avec François Descraques, que j'embrasse s'il nous écoute. Et sinon, non, il y a plusieurs trucs sur scène, il y a de la vidéo, Est-ce qu'il y a des guests? Okay. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Alors, il y aura François Hollande. Voilà, j'ai lâché. Voilà, il sera là. Non, je rigole. Non, il n'y aura pas de guests, mais tu verras le 6 juin. Voilà, allez, me saoule pas. Juste, ça va être filmé pour un DVD ou quoi ? Non, c'est ceux qui sont là vont profiter, ceux qui ne viennent pas, tant pis pour eux. Mais oui, mais nous, par exemple, on peut pas être là, on bosse. Et ben comment on fait pour voir ? Eh ben, je ferai un périscope que je mettrai sur le devant de la scène de l'Olympia et tu pourras regarder. Ah bah merci, ça c'est gentil. Voilà, Chloé, t'es venue, puis t'en sais pas beaucoup plus. Ouais, voilà, c'est ça, je suis un peu déçue quand même. Mais non, désolé, mais on se voit le 6 juin. Ouais, bon, ça va alors. Allez. On t'embrasse, Chloé, merci de nous avoir appelé. De rien, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, Ludo. Salut. Il y a Louis de Paris aussi qui est avec nous. M-kiff, je suis sur M-kiff. De ouf. Salut Louis. J'ai cramé là quand même. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe et salut les Ludovic. Oui, on garde le meilleur pour la fin. C'est ça. Vas-y. Alors en fait, ma question c'était si tu devais faire une sextape avec une youtubeuse, ça serait laquelle? C'est une bonne question ça, même si ça ne verra jamais le jour, j'imagine. Putain, la question difficile quoi. Une sextape. T'es obligé d'en choisir une du studio Bagel, sinon on va être vexé. Alors il y en a trois, Alison, Madion ou Natou. Bon, Natou, je vais me faire buter par Kemar, donc non. C'est compliqué. Je peux choisir un homme sinon? Un youtubeur du studio Bagel? Ah bah oui, si tu veux, ouais. Oh, je vais choisir. Monsieur Poulpe. Oh bah ça serait beau. Ouais, c'est avec le poulpe. Moi je trouve que Greg pourrait être vexé que tu l'aies pas choisi quand même. Ouais. Bah vas-y, je fais ça avec tout le monde alors, je m'en fous, je vais pas faire de jeu. Parfait. Qui est pas regardant. Bon bah Louis, on n'aura pas de nom féminin mais éventuellement poulpe. Ouais, mais aussi j'ai une autre petite question, je peux la poser? Oui, non. Vas-y. Sauf si c'est hyper chelou comme la première. quelle vidéo t'assumes le moins? Bah la sextape, mais du coup Oh, tu les assumes toutes, non? Bah en fait les récentes, j'essaie de faire en sorte de les assumer. C'est plus les anciennes vidéos qui sont plus en ligne. celle-là, je suis bien content qu'elle soit pas en ligne, quoi, parce que c'était. Mais est-ce que tu les regardes de temps en temps et tu te fais du mal en me masturbant? Je regarde mon contenu en masturbant tous les soirs. Non, non, il y a pas de contenu. Si j'upload, c'est que j'en suis content. Parfois, il y a des vidéos où je dis ouais, c'est moins. Moins fort. Ouais, c'est moins fort, quoi. Mais sinon, non, non, j'assume tout. Je suis comme ça, moi, je suis une femme comme ça. Voilà, Louis, il assume même ses sextapes. Voilà. Ah bah, c'est bien. Tu lui donneras ton mail, on te l'enverra si tu veux. Ah, je veux bien, oui. Et juste par rapport à ça, au côté assumage et tout, t'as jamais personne qui te dit, mec, tu vas trop loin, moi, ça m'a vexé, enfin, j'en sais rien, tu vois. Parfois, tu vas loin, quoi. Donc, non, ça t'arrive pas. Mais dans quel genre de vidéo? Parce que généralement, enfin, la plupart, c'est de la fiction, donc. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'adore. Mais tu parles des gens qui regardent? Ouais. Il y en a qui se disent, bah mec, attends, là, ça se fait pas quand même. Non, on verra après l'Olympia. Ah, d'accord. Avec ce que j'ai fait à l'Olympia. On verra. Mais bon. D'accord. Bah cool. Ça veut dire que les gens ont du second degré, c'est bien. Louis, on t'embrasse, poteau, puis on t'envoie à Pack Fun, même si tu l'as pas demandé. Voilà. Ah, bah c'est cool, super, merci. Bisous, bisous Louis. Ciao, bisous. Ciao. Bon, Ludovic, salut. Nous, on est clairement novices sur YouTube, Facebook, Twitter, Insta, même Jacques et Michel. Oui. Donc, du coup, on n'a pas encore franchi les paliers sur les réseaux sociaux. Je vais te proposer des idées qu'on a eues pour fêter ça. Le palier du million. Tu me dis si c'est une bonne idée ou pas. D'accord. Ok. Pour nos 100 000 abonnés YouTube, on a pensé à un barbecue géant sur les toits de Paris. Bonne ou mauvaise idée? Bonne idée, mais en ce moment avec la pluie, tout ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc je vais dire mauvaise idée en fait. Ouais, t'as raison. D'accord. Si on atteint les 50 000 followers sur Twitter, on voudrait faire une grosse cagnotte et l'offrir à un de nos followers au pif. Ça, c'est une très bonne idée, ça. Une très bonne idée. On note celle-là. On note, même si, bien sûr, nous n'avons pas de thunes. Pour les 100 000 followers sur Insta, toute l'équipe poste une photo d'elle à poil, sans filtre. Très bonne idée. Ça, c'est Greg. Y en a certains, ça ferait mal aux yeux quand même. Hein. D'ailleurs, je propose qu'on la fasse tout de suite. La photo. Non, mais sérieusement. C'est cool. D'accord. À 100 000 fans sur Facebook, on veut faire une putain de vidéo super drôle de 2-3 minutes avec toi. Vous êtes à combien, là? À 80 000. 80 000. C'est-à-dire que c'est dans pas longtemps. Ouais. Bah plus tard, alors laissez-moi finir mon Olympia tranquillement. Oh bah je pense que d'ici lundi, t'as de la marge. Hein. Tu sais, sur les ans en septembre, c'est déjà pas mal. Franchement, laisse-nous le temps quand même. Ouais, tu vois, on y va mollo, nous. On veut fêter les 10 000 vues sur Snap en faisant un livre sur les meilleures vannes de Mano, notre Réa, écrites à l'effaceur sur du papier calque. C'est abusé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce qu'il fait des bonnes blagues? Non. Ah, non. Vas-y, blague, là, tout de suite, maintenant. Allez Mano, une blague. Non, mais j'en ai pas. Bah, génial. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. T'as raison. Si on atteint les 10 amis Google+, on voudrait faire un énorme concert avec tous les artistes oubliés comme Colonel Rayel, Faudel et le groupe Ozone. Bonne ou mauvaise idée? Bonne idée. Eh, franchement, ça pourrait être stylé. Mais hein. Cela dit, moi, ça me ferait marrer. Hein. Bah, et vous avez un compte Google+? Non. Non. Oh. Voilà. Personne ne sait. Et alors le dernier, organiser pour notre million de fans Facebook une garden party dans le sourcil gauche d'Amir. Alors, non, il faut qu'on te parle des sourcils d'Amir. Ouais. C'est un perso dans cette émission. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont imposants, on est d'accord? Bah, disons qu'ils sont plus que la moyenne. Voilà, c'est... Bah, vous êtes méchant avec lui. Bah, arrête, on voit que ça. C'est vrai qu'on dirait deux moustaches, mais... pas être méchant sur le physique des gens, tu vois. J'étais content, je me suis dit un invité qui me déforme et... Avec, c'est pas possible. Maintenant, t'es très beau, t'inquiète pas. Ah, merci, tu participeras à la sextape et à la photo. Et... Ah! D'accord. Eh ouais, les filles. Bon, Ludovic, tu restes avec nous. Greg, finalement, tu restes avec nous aussi parce que tu m'es bien sympathique. Et si vous voulez poser des questions aux deux, bah, vous nous appelez dès maintenant. 01 42 48 5000. Bougez pas, c'est Marion et Anne Soul Night Show jusqu'à minuit. Hey guys, the radio of Kygo is fun radio. Aujourd'hui, vous les entendez partout. La première fois, c'était sur Fun Radio. Martin Garrix. Imani. Era Istrefi. La radio où démarrent tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y'a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y'a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, bada bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, bada bang bang. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't you baby, and me. And you, girl, you and me, chop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Ludovic, et ce soir dans le Night Show. Sur Fun Radio. Ouais, il est avec nous et dans un instant sur Fun Radio, on écoutera le tout nouveau DJ Snake que vous avez découvert là toute la journée sur Fun Radio. Ça s'appelle Talk et on est clairement sur une alerte bombasse quoi. Ah, il est très très bon. Est-ce que tu kiffes DJ Snake, Ludovic? J'adore. Le mec est pas convaincu, mais on va faire comme si on y croyait. Tu viens nous voir toi pour ton grand show à l'Olympia. Ce sera le 6 juin à 20h. Bon bah clairement c'est complet, il y a plus moyen de pécho des places. Non, et même je vais lâcher une info. On est trop en fait. Ah ouais? Ouais, il y a trop de personnes parce qu'il y a des invités aussi. Et on m'a dit, ouais, bah là, il y a trop de personnes, trop d'invités, donc va falloir que je dise non à des copains de pas venir. En tout cas, je pense que nos invitations ont été perdues à la poste. Ouais, mais c'est sûr, je vois que ouais, ça. Bah alors ouais. C'est Greg qui gère les invitations. Greg, t'as pas géré sur le coup, hein. Quand même. Pauvre. Désolé. Oh, ah, excuse-moi. Bon, on a encore du monde pour toi au téléphone et dans un instant, on va jouer ensemble. On va se faire, je te le dis, un Only Mouse Challenge. Je te laisse avec ça. Tu réfléchis, ça fait son petit bonhomme de chemin et je t'explique. Bon, bah, s'il parle anglais, je pense que c'est pas trop compliqué à deviner. Je te confirme. Mehdi de Paris est avec nous. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir. Salut Marion. Salut Anso. Salut toute l'équipe. Allez. Salut Ludovic et salut Greg. Oui. Oh. Bonsoir Mehdi. Eh ben écoutez, j'ai une petite question, voilà Ludovic, je voulais te demander la chose, genre le truc le plus ouf qu'un fan ait fait pour toi. Non, pas ça. Ouais, ben, ouais. Là c'est compliqué. Le plus ouf, c'est-à-dire mignon? Bah mignon comme je sais pas moi, mais un truc vraiment ouf quoi. Un truc impressionnant, un cadeau où tu t'y attendais pas. Il est venu devant chez toi, je sais pas. Non. Non. Parce que ça, c'est pas mignon. Non, moi, j'ai un truc mignon qui m'est arrivé sur le tournage. Mais ça part sur un truc mignon, là. C'est pas drôle. Vous disiez tout à l'heure, il est trash et tout. Non, là, c'est mignon. On a fait la vidéo du million de fans. Et le dernier jour, on a fait. Bon, je spoil un petit peu. On a fait un tournage avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et il y a un pote qui me dit: oui, j'ai une pote. Elle a une fille qui est très, très fan de toi. Est-ce qu'elle peut venir? Je fais d'accord. Et là, la fille est venue. Elle était très petite. Genre. Je sais pas, devait avoir 10 ans, enfin j'arrive pas à mettre d'âge à ça. Là. Et on a Ken. Non, je rigole, non, l'histoire est mignonne. Non, elle est venue et elle m'a dit: oh, je t'adore. Et on a fait un câlin, elle s'est mise à pleurer et j'ai pleuré aussi. Ah, oh, c'est trop. Et après, on a Ken. Voilà. Non, j'ai pleuré, c'était. En fait, ça faisait trop bizarre, j'étais tout petit. Je fais: mais attends, tu regardes mes vidéos, toi? Elle fait: oui, je t'adore. Oh, bichette. Et là, les larmes. Voilà. Oh, ça c'était un instant burr. Ah, ça, c'est un instant burr. Trop bien. Eh ouais, c'est grave mignon. Et j'avais une autre question aussi. Donc, la chose la plus ouf qu'un fan t'ait faite. Et toi, quelle est la chose la plus ouf que t'ai fait à un fan ou alors que tu vas faire? Est-ce qu'il a vraiment envie de faire un truc de ouf ? Je sais pas, genre, je sais pas, offrir des places pour le 6 juin. Mais il y en a plus, on t'a dit. Ah ouais, mais il y a toujours de la place dans les backstage. Bah bien sûr. Le mec, il s'invite carrément. Et dans son lit, peut-être, éventuellement aussi. Voilà, éventuellement aussi. Bah non, un truc ouf, moi, je trouve ça cool, c'est d'avoir l'Olympia pour fêter le million de fans. Bah grave. C'est-à-dire, il y avait une vidéo, et on s'est dit, bon, en plus d'une vidéo, on va leur faire un spectacle. Donc ça, c'est pas mal. Et sinon, je peux te dire, ce soir, sur Fun Radio, la place pour l'Olympia et l'accès backstage, pour toi, Mehdi, c'est mort. C'est mort, ça dégage. Ok, pas du tout. Bah écoute, je vais rester chez moi, hein, je vais regarder le périscope comme tout le monde. Allez. Mehdi, on t'embrasse. Allez, bisous. Bisous, Mehdi. Il y a Claire aussi, figurez-vous que je vous emmène à Lyon, car on voyage dans le Night Show. Bonsoir, Il va me détester, Mehdi. Hein. Mais non. Je m'excuse, Mehdi. Hein. Salut, Claire. Salut, salut les filles, salut Ludovic, salut tout le monde. Salut. Bon, ne demande pas de place. Non, j'ai bien compris que c'était mort là. J'ai deux questions, j'en ai une plutôt sérieuse et une plutôt fun. Alors, je te laisse choisir laquelle tu veux pour commencer. Bah plutôt fun vu qu'on est sur Fun Radio, oui. Allez, oui, on peut allez. applaudir. À chaque fois. Ouais, c'est énorme là. Alors, on est sur un tu préfères. Donc, tu préfères faire un gros beat sur scène à l'Olympia le 6 juin ou faire un gros l'amour beat, attends, tu dis ça parce que je suis gros ou quoi ? Non, le mec qui complexe de ouf, tu sais. Gros beat sur scène, ouais. Ou quoi ? Voilà, gros beat sur scène à l'Olympia ou faire l'amour avec ta sœur. Bah. J'ai déjà vu sa sœur. Ah, d'accord. Alors, Ma sœur, c'est déjà fait, soeur, donc je vais partir sur. Arrête. Non, je rigole. Bah non mais réfléchis pas enfin. Bah oui. Tu vas pas choisir de faire l'amour. Gros bide à l'Olympia, attends. Et bah et ta sœur elle est comment? Elle est bonne ma sœur. Ah ouais, bon bah écoute a priori préfère la sœur. On va passer sur la vraie question. Non je voulais savoir étant donné que t'es comédien avec quel acteur t'adorerais tourner? Oh il y en a beaucoup. Le plus gros kiff. Français. Ouais, comme tu veux. Non, je kifferais. Mais là, si un jour je tournerais, si un jour je sais conjuguer mes verbes, ça serait pas mal. Non, un petit DiCaprio Cannes. Ah ouais. Mais de toute façon, on en est tous là. Hein. Ah ouais, c'est le rêve absolu DiCaprio, franchement. Mais il y a Dunkerque en ce moment, pourquoi pas, faut tenter. Ah bon ? Je vais tenter, écoute. Il tourne un film justement qui a Dunkerque pour sujet, donc il est à Dunkerque. Fallait nous le dire plus tôt. Mais nous, on a Boulogne sur mer demain pour le Fun Radio Live, peut-être qu'il va venir. Et ben merci pour l'info. Bah de rien. On t'embrasse. Bisous Claire. Gros bisous, bonne soirée. Ciao. Bon, Ludovic, Greg et l'équipe, je vous propose un petit jeu, ça s'appelle le Only Mouse Challenge. En gros, comme son nom américain l'indique, on va faire un challenge seulement avec la bouche. Le principe est simple. Il va y avoir deux teams, la team Anso et la team Ludovic. Vous allez chacun composer votre équipe. Il faut trois personnes en tout. Donc vous allez choisir deux participants. Ça peut être quelqu'un du Night Show, ça peut être Greg, ça peut être ton attaché de presse, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de galère, Anso pareil. Et je vais vous donner des défis. Celui qui sera le plus rapide à les réaliser à chaque fois gagnera. Ok ? Donc par exemple, je te donne un défi. Ludovic, tu vas me dire dans mon équipe, eh ben, c'est Amir qui le réalise. Anso, pareil. Et voilà, petite battle quoi. Vous avez compris ? Oui, ça, jusque-là. Alors avant de vous donner les défis, je vous propose de composer les équipes. Anso, honneur aux dames, tu choisis qui en premier ? Je choisis Amir. Bah non, putain ! Amir. Ludovic, t'as Mano à l'area, Cindy, Enzo, ou moi si tu veux, je peux jouer avec toi, y a pas de soucis. Déjà, moi, je prends mon Greg. Bah oui. Allez, prends ton Greg. Donc, Ludovic, après Greg. Vas-y, Anso. Enzo. Oh putain, elle prend les meilleurs. Il est là-bas, Enzo. Tu vas te taper, Mano. C'est une talasse. Hein. Moi, je prends Mano, mais fais-moi une blague déjà avant. Fais-moi vraiment une blague. Je dois rire. Allez, Mano. Je te regarde pour la fin de l'émission. En plus, il fait du teasing, putain. Ok, donc on a donc Anso, Amir, Enzo face à Ludovic, Greg, Mano. C'est pas mal. Premier défi. Pour le Only Mouse Challenge, il va falloir déballer un paquet cadeau. Aucune possibilité d'utiliser les mains, seulement avec la bouche. On va vous mettre un paquet devant les yeux. Le premier qui arrive à gagner. Anso, tu désignes qui dans ton équipe pour le faire ? Amir. Ludovic. Là, ça va être le Real qui parle. Je dis Greg parce qu'ils sont en face tous les parfait. Deux. Parfait. Qu'est-ce qu'il est bon. Ok, les gars. Donc, vous avez votre papier cadeau bien emballé. Il a un cadeau plus petit que le mien. Ça change rien. Oh. T'as remarqué qu'il est vachement bien emballé parce que c'est moi qui l'ai fait, Greg, avec beaucoup d'amour. Attention, vous ne pouvez pas utiliser les mains. Les mains derrière le dos. On y va qu'avec la bouche. Juste la bouche. Et on donne tout. 3, 2, 1, c'est parti. Allez Greg. Alors, Amir essaye de le prendre de tous les côtés, ça ne marche pas. Ouh, ça bouffe du papier. Okay, Greg, Amir, est pas si mal, hein. N'utilise pas tes sourcils, s'il te plaît. Arrête avec tes sourcils. On a dit juste la bouche. La technique du chien. Greg, allez Greg. Du chien, ouais. Greg fait du jeté de paquet. Amir le bouffe clairement. Il n'y arrive pas. Hein. Greg, on est sur quelqu'un qui n'y arrive pas. Hein. Greg, si, il y arrive. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il va voler le micro, le casque. J'ai pété l'écran. Attention, il a utilisé les mains. Et il a réussi. Regarde Greg. Ouais, Greg a réussi. Alors attention, on va faire un point sur les paquets. Greg, il a réussi. Ça y est, c'est Greg. C'est Greg, c'est Greg, c'est Greg. Bravo. Putain. Alors, cela dit, j'ai vu une petite main passer. Donc, attention pour les prochains. Mais Greg, félicitations. On lui autorise. Ok, bravo Greg. Le deuxième, vous pouvez vous désigner les chefs d'équipe. Attention, hein. Il faut exploser un ballon de baudruche qu'on va scotcher devant vous sans les mains. Bon, juste avec la bouche. Je vais gentiment désigner Enzo. Oh, moi, ça va partir sur un mano. Regardez les lâches, là. C'est qui, là? Ça, c'est pour Enzo. On vous scotche le ballon en face de vous. Alors, les gars, je veux pas voir une main. Vous me l'éclatez comme il faut. Hein. Enzo, bien sûr, tu te mets à côté de mano. Hein. Toujours dans un but de réalisation. Ah, c'est quand même un accident assuré, là. Bah, ça peut être un accident, mais à mon avis, ça peut aller très vite aussi. Okay. Vous êtes prêts, les garçons? Il a une plus grande bouche. Attends, et fais gaffe, attends. Enzo, je te connais, toi, t'es foufou. Il y a Cindy qui va se mettre à côté pour filmer pour la chaîne YouTube. Donc, on a un ballon rose pour Enzo, un ballon orange pour Mano. 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain, c'est Enzo a gagné. Direct, quoi. Mano, tu me déçois beaucoup, là. Il y a un. Il y a un partout. Un dans la team Ludo. Et un dans ma team à moi. Enzo a perdu une bouche, hein. ça n'inquiète pas. Tout va bien. Dernier défi, alors celui-là c'est mon préféré, on s'est inspiré d'un jeu japonais. C'est très simple, il faut éteindre une bougie avec un collant sur la tête. Donc à la manière d'un cambrioleur, vous allez devoir mettre un collant sur la tête qu'on va vous tirer par derrière. Ouais. Et il va falloir mettre une bougie à 50 cm de vous. Et le premier qui arrive à l'éteindre, a gagné. Oh bah globalement, moi tu m'as séduite déjà avec collant, tiré par derrière, tout ça. Donc ouais, moi j'y vais, on y va. Ludo. Allez Ludo, tu peux le faire. Mais faut que je en soufflant. Ouais, tu dois souffler. En plus, c'est sexy. Derrière, on va tirer. Mais en fait, il y a vachement de trucs qui passent. Il faut être à 1 mètre. Hein. Le premier qui arrive. Ouais, d'accord. Excusez-moi, vous avez une gueule, les gars, les deux là. Ça ressemble à rien du tout. Anne-So avec un colon, elle a plus de cheveux, c'est une catastrophe. On vous met une bougie, attention, loin, 1 mètre, chacun. Ah non, mais attends, c'est super chaud. Et c'est le premier qui arrive à souffler. Attendez, mais personne tire, Ludo. Si, je tire. Si. Mano va te tirer. Attention, 3, c'est pas possible, 2, 1, soufflez. Oh là là, j'ai gagné. Non, c'est Ludovic. C'est Ludovic. Bravo l'équipe de Ludovic. Bravo. Allez. Et rien que pour voir la photo de Ludovic avec sa gueule, avec le colon, je valide ce dos. Magnifique. C'est magnifique. Et du coup, je gagne quoi? Est-ce que je peux gagner une place et accès backstage pendant mon spectacle? T'auras même une place sur scène, mec. Oui. Bon, reste avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. Tu l'avais déjà fait dans l'émission. Oui, hein. J'avais perdu, donc je suis là pour me venger. Eh bien, la vengeance sera terrible. Restez là, 01 42 48 5000 pour participer à l'émission. Et puis pour le son, tout de suite, on écoute Imani. C'est Don't Be So Shy sur Fun Radio. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. So God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Ludovic, le youtubeur, est notre invité ce soir. C'est un kiff de le recevoir. Vous êtes hyper nombreux à l'appeler, la 01 42 48 5000. Il reviendra dans cette émission parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. Tu reviendras, hein? Bah, de toute façon, tu le mets un peu au pied du mur comme ça, quoi. Parce qu'il y aura peut-être un Olympia 2 si ça se passe bien, je sais pas moi. On verra. On verra. Est-ce que tu as d'autres projets de prévus comme ça où là tu as vraiment tout donné sur l'Olympia et après. Comme tu l'as dit tout à l'heure. En plus de l'Olympia, il y a la vidéo du million qui m'a pris vraiment énormément de temps à faire, à penser et tout. Donc après l'Olympia, je vais me reposer un petit peu, mais oui, j'ai d'autres projets. Et on est d'accord que pour ceux qui seront pas à l'Olympia, la vidéo, elle sera en ligne mardi, c'est ça ? Le lendemain, oui. Le lendemain, mardi, le 7. On met la, direct la vidéo en ligne. Hâte de voir ça. Ouais, une dizaine de minutes, c'est ça ? Ouais, 10 minutes. Bon, faut aller mettre ça. 40 secondes normalement. Faut surveiller ça sur tous ces réseaux sociaux. 1 million de fans sur Facebook, le gars pèse dans le game. Tout à fait. On va jouer ensemble puisque toi, t'es le youtubeur aux différents rôles. En gros, tu nous fais le militaire, le relou en voiture, le Père Noël, le fils de pute, la totale. T'as aucune limite et t'es très bon, très très bon comédien. Du coup, on va voir si dans d'autres rôles jamais vus, tu pourrais être aussi bon. Je vais te proposer à la manière d'un casting de courts rôles à jouer. Si tu veux pas les faire, tu peux désigner un membre de l'équipe qui le fera à ta place. D'accord, si je sens pas, je... Si tu sens pas, tu dis Mano, vas-y, Amir. Et il y a Greg aussi. Hein. Enzo ou Greg qui peut le faire à ta place. Ouais, il est comédien, Greg. Ouais. Okay. Il est comédien maintenant. Alors, premier rôle. Jouer le rôle d'un gros beauf qui passe une commande dans une boulangerie. Quelqu'un fait la boulangère ? Ouais, c'est moi. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais vous prendre une baguette bien dure. D'accord. Un gland. D'accord. Et je parlais pas de nourriture, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, et mes deux grosses miches peut-être aussi. Oui, oui. Oh, le duo parfait, quoi. Pas mal, le beauf. Larguer ta meuf comme un gros connard pourrait le faire. Ok, Greg, tu fais la meuf? Oui. Bonsoir bébé, ça va? Je t'aime. Eh ben justement, je voulais te parler de ça. Quoi? Bah tu sais, avec l'Olympia, c'est un peu chaud là de me consacrer à toi. Donc je vais essayer de te le dire avec des pincettes. Oui. C'est terminé? Non. D'accord, bah je reste alors. L'amour est plus fort que ça. C'était le gros connard lâche. Faire un pervers qui vient chercher son enfant à l'école. Ok. Anso fait très bien l'enfant, si tu veux. Elle a une petite voix de petite fille. Mais attends, parce qu'il y a plusieurs rôles. C'est elle fait l'enfant ou elle fait genre la maîtresse, enfin tu vois. Ah bah ce que tu veux. Après tu décides. Comme tu veux. Moi je dis elle fait l'enfant et t'essaies de la récupérer à la sortie de l'école. En gros pervers. Ah mais c'est hyper glauque. C'est dégueulasse. Là. C'est hyper glauque. Oui mais justement, est-ce que c'est pas ça qui est très drôle? Vas-y, fais la petite fille, toi. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va, et toi? Ah oui, qu'est-ce qui t'amène? Putain, mais c'est toi qui parles, là? Ah oui. Elle est ouf, là, moi. Trop mignon, ou pas? Ouais, vas-y, attends, excuse-moi, je rentre dans le personnage. Même si j'aimerais rentrer ailleurs. Pardon, excuse-moi. Non, j'avais dit que c'était glauque. Je fais plus. Oh mon Dieu, non. On va la valider, mais elle est limite. Convaincre les gens d'écouter le Night Show, cette émission, en étant hyper menaçant. Là, j'ai envie de le donner à quelqu'un, celui-là. J'ai envie de le donner à Mano. Parce qu'il m'a saoulé avec les ballons. Il m'a saoulé avec la blague, donc vas-y. Et là, c'est un homme mal à l'aise que t'as devant toi. Et là, ça va être un moment de tristesse absolue que j'ai hâte de vivre. Tout le monde vas-y, le regarde, Mano. S'il vous plaît. Tout le monde a le regarde. Droit aux insultes ou pas? Ouais. Bah, t'es menaçant, quoi. Okay. Quand tu menaces quelqu'un, comment t'es? Alors, espèce de petit enculé, tu vas écouter le Nacho maintenant. C'est de 22h à minuit. Parce que. Putain. Parce que. L'argumentation est que c'est super. Et enfin. Conscience de son corps, en fait. Complimenter Amir sur ses sourcils de manière trop tendancieuse. Vraiment, vraiment trop tendancieuse. Vas-y, je t'écoute, je te regarde en même temps, mon pote. Mais moi, je trouve ça méchant de m'attaquer à ton physique. Bah alors, désigne quelqu'un. Ou... Oui. Vas-y, tu peux, t'inquiète. Mais hey. je vais pas plomber le jeu, mais. Non, mais tu peux désigner quelqu'un, hein. Ok, bah Mano. Tiens, ah, j'ai pas envie d'être méchant avec les gens de l'équipe. Sois tendancieux avec, avec les sourcils d'Amir. Ah, mais sinon, j'ai une blague, si tu veux, et on annule tout, quoi. Vas-y, bah si la blague est bonne, on annule tout. Ok, si elle est bonne. Si elle est bonne. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qui est pire que doigter sa sœur? Oui, j'ai très peur. On l'a déjà dit, je crois. Y retrouver l'alliance de son père. D'accord. Elle est pas mal. Ouais, ah, d'accord. Pas mal. Tu la valides? Pas mal, mais cela dit, c'est un auditeur qui nous l'avait raconté dans cette émission. Vole. Ouais, mais il vole. Non, non, non. Donc vas-y, maintenant tu repars sur les sourcils. Allez, allez, tu le dragues de manière tendancieuse. Ouais. Salut Amir. Salut Manu. Je trouve que t'es particulièrement beau aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Ça se remarque vraiment au niveau de tes sourcils. Je sais pas si t'es passé quelque part à l'atelier ou. Tu les as peignés, t'as fait un truc. Ferme ta gueule. C'est que vous le verrez en vidéo, mais Mano a vraiment un regard de pervers. De gars chaud, quoi. Ouais, t'es chaud, quoi. Il jouait pas, là. Bon, Ludovic, est-ce que t'es prêt pour le Pourquoi tu m'appelles? Et je suis chaud de ouf. Eh bah, ça tombe bien, c'est maintenant. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con? C'est dans le Night Show, sur Fun Radio. Tu t'en rappelles ou pas de ta prestation la dernière fois? Oui, c'était nul à chier. Et ouais. J'ai la pression de ouf là. Mais non, ça va très bien se passer. Je suis tout seul à le faire? Non, tu vas faire face à moi ou. Oui, mais enfin, quand j'appelle, je fais tout seul. Ouais. Tu peux le faire avec Greg si tu veux. Pas de soucis, il peut t'aider, comme tu veux. Ça peut être ton coloc, ton pote, ton mec, ce que tu veux. Tu te sens chaud ou pas? Tu connais le principe? Absolument je pas. Je t'explique, Greg. C'est très simple. On appelle au hasard en France quelqu'un. Le but étant de dire pourquoi tu m'appelles et de tenir le plus longtemps possible. De faire le mec qui est appelé, dérangé, alors que pas du tout, parce qu'en fait, c'est nous qui appelons. Enfin bref. Et bim, boutade. Voilà, c'est le jeu qu'on fait tous les soirs à 23h. Et en général, on affronte un auditeur qui peut gagner un gros cadeau. Mais là, on va se faire une battle. Cool. Si vous voulez, je vous montre. Je commence. Vas-y, comme ça, vous voyez. Ok ouais. Mais te mets pas la pression, même si tu perds, c'est pas grave. Ça fera que deux défaites. Allez, pas grave, Ludovic. Et puis à ça près. Marion, ne me déçois pas. Hein. J'ai pas de stratégie là. Allô? Oui. Oui. Oui. Oui. Bonjour. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai pas appelé. C'est toi qui m'as appelé. Ah non. Là, je suis pas complètement folle. Mon téléphone vient juste de sonner. Ah ben, c'est un échec. Ah bah non, monumental. Alors, j'en refais un. Je suis 14 secondes. 14 secondes. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, pourquoi tu m'appelles? Bah, c'est toi qui m'appelle. Ah, d'accord. Donc là, t'es en train de dire que je perds la tête. En fait, je comprends pas. J'étais chez moi tranquille. Mon téléphone sonne, il y a écrit numéro masqué dessus, donc je décroche. Mais pourquoi tu trouves des excuses? Assume. Mais attends, excuse-moi. Tu t'appelles comment? C'est qui? Qui êtes-vous? Mais ça te regarde pas, genre. Déjà, ton téléphone, c'est de la merde, donc capte très mal. Je t'entends pas très bien. Donc, juste dis-moi pourquoi tu m'appelles. La question, elle est assez simple. Je ne t'appelle pas. Donc, si tu n'as rien d'autre à foutre que de m'appeler, je sais pas, va chercher des amis pour les curly. C'est Vanessa. Vanessa? C'est Vanessa. Non, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, j'ai reconnu ta voix. Et putain, ça va ou pas? Ouais, mais elle était agressive direct, la meuf. Moi, je voulais tomber sur une petite vieille, un truc sympa, quoi. Oui, bah, on va pas recommencer. Non. 45 secondes. Ah, c'est pas terrible. C'est quoi le record? 3,40. Le mec s'est endormi au téléphone. Ouais. Ah, c'était un truc de ouf. Bon, bah, 45 secondes, c'est gagné pour toi. Normalement, tu peux le faire. Hein. On y va, on appelle. Ah, tu peux, hein. Je préviens, je suis mauvais. Hein. Mais non, t'es très bon, lui. Non, arrête. Écoute. Moi, je mise sur Ludovic aujourd'hui. Il est modeste. Moi, je mets tout sur Ludo. Ouais, moi aussi. J'y vais. Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est qui? Bah, non, c'est. Vous m'avez appelé, non? Comment ça, je vous appelais? Bah, je sais pas, mon téléphone a sonné, je réponds, donc je voulais savoir qui êtes-vous? Comment ça, je vous appelais? J'ai le téléphone sur moi, j'ai appelé. Moi, personne, mon téléphone était en moi aussi, et je l'ai pris, et vous. Mais vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui? Je comprends pas. Déjà, c'est madame. Déjà, c'est madame. Et je sais pas, vous m'avez appelé. Moi, je réponds, c'est tout. Je voulais juste savoir pourquoi vous voulez me parler, c'est tout. Bah, attendez. Vous avez eu comment mon numéro? Je comprends pas. Comment vous avez eu mon numéro? Alors, déjà, c'est vous qui m'avez appelé, donc je peux pas avoir votre numéro. Et je comprends. Juste expliquez-moi. Mais comment ça je vous appelle? Comment ça je vous appelle? Je comprends pas. Pourquoi vous m'appelez là? Mais vous êtes qui? Donnez-moi votre nom, votre prénom. Bah, vous êtes qui là? Je comprends pas. Bah attendez, juste, j'aimerais juste savoir pourquoi vous m'appelez. Mais c'est vous qui venez de m'appeler, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, n'importe quoi là? Mais je fais pas n'importe. J'ai c'est madame. Faire, hein. Déjà c'est madame et juste je veux savoir pourquoi comment vous m'appelez. Comment ça, madame? Arrêtez de me prendre pour un con. Arrêtez de me prendre pour un con. Mais je vous prends pas pour un con. Pourquoi vous m'appelez? Mais comment vous avez fait pour avoir mon numéro? Bah, c'est vous qui m'appelez, monsieur. J'ai pas votre numéro. Moi, mon portable était dans moi. Il a sonné, j'ai décroché et c'est vous que j'ai en ligne. À un moment, il va falloir accorder vos violons. Que j'ai pas appelé personne. Mais vous venez de m'appeler. Comment ça fait pour avoir mon numéro? Mais je j'ai. Comment ça fait pour avoir mon numéro? Mais je n'ai pas votre numéro, vous m'avez appelé, monsieur. Écoute-moi, je vais te retrouver, toi et ton prénom, t'as compris? Je vais te retrouver. Je vais te enculer, Cotillard. Le prénom, c'est Brigitte, déjà, si je peux vous aider. Et sinon. C'est hyper super. Ah, bravo, comment tu l'as fait? 1 minute 25. Ah, le talent! Et en plus, le mec était tellement chaud! Le mec, il va retrouver une Brigitte là! Ouais, il a persécuté quoi! Et j'ai adoré, le téléphone était en moi, c'était magnifique! Généralement, ils sont vénères les gens que vous appelez à chaque fois! Ça dépend en fait, parce qu'on peut tomber sur des gens qui raccrochent vite et on peut aussi tomber sur des gens qui se chauffent parce que. Mais il est parti très vite! Bah lui, il avait un petit accent marseillais, non? Et peut-être qu'en même temps, tu l'as dérangé, il était peut-être. Je sais pas! En train d'écouter votre émission. C'est ça. Bon, en tout cas, merci mille fois d'être venu, Ludovic. C'était un kiff de t'avoir. Je rappelle que ta chaîne, toi, c'est Ludovic. T'es aussi dans le studio Beagle. Vous cartonnez plus de 2,5 millions d'abonnés. C'est juste énorme. Et surtout, l'événement, ce sera le 6 juin à 20h, le grand show à l'Olympia pour fêter ton million de fans. Ça va être du pur délire. On est d'accord que t'as bossé comme un ouf dessus. Oui, on a commencé à écrire le spectacle hier. Et là, on l'a répété aujourd'hui. Et là, on est trop, trop chaud. Une petite nuit blanche. Et basta. Merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite un gros merde. Et on suivra évidemment tous les périscopes, les vidéos, pour voir ce que ça a donné quoi. Bah merci à vous de m'avoir invité, j'ai hâte d'être aussi, c'est peut-être à bientôt. Mais c'est quand sûr. Tu veux, n'oublie jamais que bien sûr nous t'aimons. Restez là en tout cas puisqu'on est avec vous en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio et dans un instant c'est le réponse à tout, vous savez c'est tous les jeudis, Marion et moi répondons absolument à toutes vos questions sans tabou, les questions que vous n'osez pas poser à vos potes, vos parents, papy, mamie, tout ça, appelez-nous 01 42 48 5000, on se retrouve juste après le tout nouveau DJ Snake, découvert toute la journée sur Fun Radio, c'est Talk. Au revoir. Want to lose. 23h18, c'est Marion et Anso et on embrasse encore Ludovic qui était notre invité ce soir. C'était énorme. Et ça, c'était DJ Snake Talk sur Fun. On kiffe ou pas? On l'embrasse, hein, DJ Snake, d'ailleurs, qui m'a toujours pas retweeté depuis le tweet de tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut le tweeter peut-être avec le compte de l'émission? Alors attendez, les gars, il m'a pas retweeté, mais il m'a juste liké. Ah, ouais, c'est de la merde. Ouais, quand même, les gars. Snake, quand même. Hein. On veut du retweet, nous. Alors, on va pas s'enflammer non plus, hein, c'est qu'un like. Hein. Et il te suit ou pas? Alors, on n'est pas sur un follow, par contre. Attends, je vais voir s'il me suit. Moi, je pense pas, quand même. Parce qu'il suit pas mal de gens à Fun Radio, vu que ça s'envoie des MP, là. JB, il a eu son petit MP tout à l'heure. Bah ouais, mais il y a Gaylor qui l'a tweeté, DJ Snake, en disant « Merci DJ Snake, au passage des cyclones, d'avoir mis un vent monumental à Anso. » J'adore. C'est magnifique. Bon, moi, il ne me suit pas non plus, mais ça devrait arriver dans la soirée. Incessamment, sous peu. Voilà, je viens de le suivre, en tout cas. En tout cas, Twitter n'arrête pas de m'envoyer des notifications comme quoi il a liké mon tweet. C'est déjà pas mal, c'est un premier pas vers le succès, Anso. Exactement, et c'est le moment, comme chaque jeudi soir, du Réponse à tous, au moment où vous venez sur l'antenne pour nous poser toutes les questions que vous voulez. Alors forcément, les questions que vous n'osez pas poser à votre famille, à vos amis. Marion, t'as qu'à faire n'importe quoi. Ton micro. J'ai un problème avec mon micro, il se déboîte mal en fait, j'arrive pas trop bien à le manier. Ouais, bah je pense que de toute façon, avec tout le bruit de micro qu'on a dans le studio, on pourrait tous faire un peu de bordel. Bon, Réponse à tous, 01 42 48 5000. Venez poser les questions que vous n'osez pas poser et puis bah, on essaie d'y répondre au mieux avec Anso. Exactement, ouais. Et on commence avec Kili. J'imagine que c'est un pseudo. Kili, oui, c'est en anonyme de toute façon. Allô? Allô? Ça va, Kili? Ouais, ça va. Kylie. Ah, Kylie. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Anso, t'es con. Ouais. Ah oui. Non, parce que... Il a écrit ça, K-I-2-L-Y. En anglais, le I se prononce I. Yes. Mais mec. Mais Kylie, Kylie Minogue. Ça s'écrit avec... Bon, rien à voir. Ok. Ça s'écrit K-Y-L-I-E. Bah comme Kylie Minogue, alors. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as, Enzo? Bon, Bichette, t'as quel âge? Ah, moi j'ai 14 ans. Ok, qu'est-ce que t'aimerais savoir ce soir? Ben en fait, il y a un mec. Ben en fait, je suis un peu amoureuse de lui en fait. Et puis, je voulais savoir si c'était possible de sortir avec lui, sachant que ben en fait, il a un peu 30 ans. Attends, quoi? Je comprends rien. Attends, t'as envie de sortir avec un mec, ça j'ai compris. Et c'est quoi le problème? Bah en fait, il a 30 ans. Ah, non, c'est pas possible. Attends, Kylie, t'as quel âge? 14 ans? Non mais Kylie, c'est pas possible. Oui, non, mais Bichette, t'as 14 ans. Ben oui. D'accord, c'est un homme de 30 ans, c'est qui? C'est un prof? C'est un ami de tes parents? C'est quoi cet homme? Non, en fait, c'est un ami d'un... Enfin bref, c'est un proche de ma famille. Ok, non mais... Chérie, on est les premiers à dire que dans cette émission, la différence d'âge, parfois, ça ne compte pas. Mais ça, c'est quand vous êtes majeur, tu vois. Parce que là, c'est du détournement de mineur pour lui. Hein. T'as 14 ans, t'es beaucoup trop jeune. Ouais. Et puis, je pense que t'es beaucoup trop jeune pour ce garçon aussi. Ah, mais c'est pas possible, chérie. T'es pas du tout prête à aller avec un mec de 30 ans. Vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes désirs. Ça ne peut pas fonctionner. Non. Et ce serait très, très grave pour toi et pour lui que ça arrive. Hein. Kylie? Oh putain, raccrochez. Ah non, mais attends. Avec lui. Non, il faut la raver. Il faut lui dire que c'est pas possible. Attends, mais c'est chelou. Mais j'espère que lui n'est pas intéressé parce que sinon, là, c'est très grave. On est obligé d'appeler la gendarmerie. Hein. Allez là, c'est bon. Kylie. Oui, désolé, ça avait raccroché en fait. Non, mais t'as entendu ce qu'on a dit, chérie, juste avant ou pas? Oui, j'ai rallumé la radio. D'accord. Non mais clairement c'est pas possible, c'est très grave comme situation, tu ne peux pas, t'es pas prête à aller avec un mec comme ça et lui il peut avoir de gros ennuis et toi aussi. Ah ouais, il y a la pédophilie tout ça. Bah oui. Bah non mais Kylie, évidemment. Un détournement de mineur. Et puis toi, t'as envie de sortir avec un garçon de 30 ans parce qu'à ton âge, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer mais ça reste qu'un fantasme. Et il faut que tu trouves un garçon de ton âge, Kylie, ça c'est important. Ouais. Et un garçon qui a deux fois ton âge, bah tu verras ça quand t'auras 20 ans. Ouais. Ouais, ok, ça roule. Dis-toi, ma belle, que lui va vouloir faire des trucs de son âge, des trucs qui vont pas t'intéresser. T'as pas envie d'aller faire un golf entre trentenaires? T'as pas envie. Attends, Marion, moi qui suis trentenaire, je vais rarement faire du golf. Ouais. Mais je dis des trucs chiants pour elle. Tu vois? Hein? Ouais, oui, je comprends. Bah oui, chérie, et puis même sexuellement, tout ça, toi, t'imagines, t'as déjà roulé une pelle? Une seule fois. Non, mais de toute façon, sexuellement, je sais très bien que c'est pas possible. Hein. Bah oui, c'est pas possible, ma belle. Lui, il va vouloir beaucoup plus que ça. Toi, t'es pas prête, t'es trop jeune, ok? Ok. Bon, on t'embrasse, Kylie. On te retrouve bientôt, bien sûr, en concert. Très bientôt à Londres. Tu veux faire une dédicace? Oui. Bah si c'est pas au mec, oui. Non, c'est pas au mec. En fait, je voudrais faire une dédicace à tous les auditeurs qui vont passer le 24 juin, date très importante pour moi. D'accord. C'est quoi? C'est ton anniversaire? Non. C'est l'anniversaire de son mec. Bon, ma belle, garde cette date secrète pour toi. On n'en saura pas plus. On t'embrasse. Ouais, ah oui, okay. Il va fêter ses 30 ans, c'est quand même vachement important. On t'embrasse, Kylie. Gros bisous. Bisous. Bisous. Non, mais c'était une blague, évidemment. Bah oui, big up. Hein. C'était douteux, effectivement. Il y a Nat de Paris aussi qui est avec nous. Bonsoir, Nat. Bonsoir. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. On est content d'être là. Bienvenue dans ce show. Ça carbone. Ça carbone de ouf. Alors Nat, qu'est-ce que tu voulais savoir toi ce soir? Moi, ma question en fait, c'est quoi le lubrifiant en fait? Ça sert à quoi? C'est une bonne question. Alors, le lubrifiant, en fait, c'est un gel que tu appliques sur les parties intimes pour que ça glisse mieux, tout simplement. À base d'eau. Voilà, parfois, tu sais, t'es pas très bien lubrifié, soit ta copine, elle mouille pas assez, ou toi, t'as pas assez de liquide séminal, tout ça, c'est un peu tendu. À cause du stress. Et à cause du stress, à cause de plein de choses, ou alors ça peut être hormonal, tu vois. Et du coup, le lubrifiant, ça glisse, en fait. Ok. Donc, c'est pas mal. Ouais. Toujours en avoir, je sais. Moi, j'en utilise jamais, moi. Il y a des lubrifiants, c'est à base, c'est pour le massage parfois, non? Non. Ah oui, si, t'as des espèces d'huiles de massage. Et c'est pas pareil. Tu peux mettre sur tout le corps. Ah oui. Pour masser le. Par contre, mon pote, bon, c'est peut-être pas encore ton âge, mais le jour où tu vas en utiliser, faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que quand ça glisse trop. Du coup, c'est pas marrant. Et ça fait des bruits. Ouais. Ça fait. Par exemple, moi, à titre perso, quand j'ai dû en utiliser, et si t'en mets trop. En fait, il y a même plus de sensation. C'est que ça glisse, mais ça glisse tellement que du coup, tu sens plus rien. Mais c'est hyper drôle. Franchement, tu tapes dans le vide. Mais du coup, t'as quand même une grosse érection, mais tu peux pas aller au bout, quoi. Mais non, mais c'est même pas qu'il y a pas au bout. C'est que tu sens plus. Ça glisse. ça glisse. Et je te jure, ça fait des bruits. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo, au standard? Moi, parfois, quand je le fais sous la douche, pareil, je sens rien et du coup, ça m'énerve. Mais pourquoi tu mets seul? Il y a trop d'eau, en fait, à l'intérieur de sa chatte. Non mais alors attends, déjà moi j'ai jamais réussi à faire sous la douche. L'eau ça rentre pas. L'eau ça marche pas, ça bloque au contraire. Oui. Ah si, non, moi ça marche, c'est juste au contraire ça rentre. Y a c'est le shampoing. Ouais, mais toi vomi de la touche. Mais pas qui utilise de l'eau? Personne n'utilise de l'eau pour faire l'amour. Non, mais par exemple, quand tu le fais dans un bain ou sous la douche, moi perso ça ne peut pas passer avec l'eau. Ah oui, moi non plus ça passe pas. Hein. Voilà, Enzo ça passe. C'est parce que l'eau c'est pas un lubrifiant. Oui, mais justement, mais moi ça passe et il y a de l'eau qui rentre dedans et du coup ça me gêne. Du coup, je suis obligé de la sortir de l'eau. il raconte que de la merde. Bon, ben Nat, tu en sais plus que de raison là, du coup. Hein. Ah oui, c'est bon. Okay. Tu verras plus tard si t'en as besoin ou pas. Ça s'achète en pharmacie, c'est pas bien cher. Ok ouais. Ouais, protège-toi au cas où, d'ici là. On t'embrasse. Bisous, Nat. Merci, bisous, bonne soirée. Il y a Aurel aussi à Paris. Bonsoir, Aurel. Salut Marion, c'est toute l'équipe, ça va? Salut mon pote. Salut. Ça va et toi? Ouais, tranquille. Allez, on t'écoute. Oui, je voulais savoir si tromper c'était mal. Tromper? Bah oui. Sur l'échelle du bien et du meurtre, c'est à 5. Tu vois? Non, mais c'est mal, oui, évidemment, c'est mal quand t'es en couple et tout, ça fait du mal à l'autre. Si ça va pas bien avec le couple et tout ça, c'est mal. Si ça va pas bien, il faut arrêter le couple. Voilà, c'est pas la solution. Après, on va pas se faire les mythos dans cette équipe. On a tous déjà trompé, je pense, au moins une fois. Non. Ça arrive, l'erreur est humaine. Qui a dit non? Bah, moi. À moi. Ouais, bah toi, t'es. Bon, d'accord. Attends. Mano, t'as jamais trompé de ta vie? Bah, non. Même tes meufs avant? Bah, non, mais mes meufs avant, j'ai jamais eu vraiment de longues relations. Mais même avec un bisou. Parce que. Papillonner. Embrasser, c'est tromper. D'accord. Bon, embrasser, c'est pas vraiment tromper. Bah, si. Toi, t'as déjà trompé des meufs, Amir? Ouais. Oh non. Ah oui, moi aussi, ça m'arrive. Mais embrasser, c'est pas tromper. Hein. Bah si, c'est un degré en dessous, mais c'est tromper. Ouais. C'est tromper la personne. Bon, c'est. Amir, alors à ce moment-là, donc ta meuf roule une pelle et donc tu la pardonnes. Pas de galère. Ça dépend, c'est dans quelles circonstances. Si c'était en boîte bourrée, ça me fait chier, mais. Ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd, je te le dis. Ah ouais. Alors ça, c'est noté, approuvé, validé. Mec, tu l'as dit à la radio en plus. Je vais sortir la pige et je vais la mettre dans mon téléphone. Tu sais même pas ce que tu viens de faire. Donc, en tout cas, juste pour répondre à ta question, c'est pas grave dans le sens où personne va mourir, mais c'est pas bien parce que ça fait du mal à l'autre et c'est pas un truc qui se fait, c'est pas réglo, quoi. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est un vrai manque de respect. Si t'aimes quelqu'un, tu veux pas lui faire de peine. Et en trompant ta copine, tu vas lui faire de la peine. Après, on sait que l'erreur est humaine. La preuve, Anso a déjà trompé, Amir aussi, moi aussi. Donc, ouais, mais moi, quand j'ai trompé, mon mec l'a jamais su. Ouais, moi non plus. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas des gens bien. Tu vois, ça arrive. C'est pas bien, mais ça arrive. Mais juste, si tu peux éviter de le faire dans ta vie, ce serait bien, quoi. Ouais, franchement, si t'es un bonhomme, le fais pas, mon pote. Ok, Aurel. Ok. Tu veux voir Bien sûr. Dédié à Étienne et à Octave et à Tiago de la Signal 4 qui m'écoutent en ce moment. Voilà. Big up. Ok. Gros bisous Aurel. Ça marche. On l'embrasse. Bisous Aurel. Ciao, bisous. Ciao. Bisous. Bye. On demande à Pépère ou pas? Bah oui, quand même. Bon, allez. Pépère, j'ai envie de faire un petit truc avec toi. Oui. Je vais faire l'enfant. Je vais te poser une question à Papa Pépère. Tu vas essayer de répondre au mieux, d'accord? Ok. Papa Pépère, avec quoi je peux faire briller les carreaux? Prends une culotte. C'était juste pour l'entendre dire ça. Bah oui. Bon, ça va, c'est mignon pour une fois. T'aurais pu être plus trash. Bah oui, moi j'attendais la mouille de mes mères, tout ça, mais. Oui, mais j'ai pas eu. C'est ça la classe de pépère. La classe de pépère, d'accord. Ouais. Bah, c'est le CP. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va jouer ensemble. C'est le YouTube Game qui va débarquer comme tous les jeudis. Vous allez pouvoir apparaître dans l'une de nos vidéos YouTube. Ça, c'est cool. 01 42 48 5000. Et pour le son, mon kiff, Justin Timberlake sur Fun. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Il est 23h33, c'est Marion et Anne sur le Night Show. Et j'aimerais quand même qu'on règle un point. Parce que vous le savez, Amir avait été puni de son trimestre. Sur les devoirs du Night Show, il a été mauvais. Il a eu la plus mauvaise moyenne de nous tous. 13,5. Ouais, c'était une belle moyenne déjà. C'était pas mal, mais on a été meilleur que toi. Du coup, tu avais une punition normalement dimanche dernier. Tu devais aller aux stations essence, faire patienter les gens en chanson et en guitare. C'est mais là, patatras. Ça n'a pas pu se faire puisque la station avait été réapprovisionnée déjà. Ouais, et la pluie, tout ça, c'était compliqué. Donc on s'est dit, on garde Amir au chaud et on lui refera une punition dimanche prochain. Voilà. Mais est-ce que ce serait pas l'heure de te dire la punition? Ah, c'est moi. Je refais du coup un. Bien sûr, bah oui, tu l'as pas fait. Bah oui. T'es prêt ou pas? Il n'y a pas de veto, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas non, de. Y a rien. Écoute, allez, écoute ce que ça va être. Chanter sans perdre son sang-froid. Oh putain. Bah c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Oh là, mais qu'est-ce que t'es une merde, Mano. Parce qu'en fait, Mano chantait sans perdre son sang-froid, c'était les miens et j'avais dit chanter avec un. Non, mais alors, Mano, tu as. Ah. Faire le résumé météo de la semaine en chanson. Là, c'est ça. Presque pareil. Alors, je t'explique, parce que là, ça paraît facile quand même, chanter la météo, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on va te faire vivre la météo en même temps. C'est-à-dire à base d'arrosoirs, de tuyaux et de karcher. Voilà, c'est ça. Pendant que tu chanteras la météo aux gens. Le karcher, c'est hyper dangereux. Hein. Oui, c'est hyper dangereux. Et d'ailleurs, si vous avez un karcher, appelez-nous parce qu'on en cherche un activement. Ah ouais, ça ne gêne pas au final. Donc, non. Mais non, mais on, ça donc, permettrait un décrassage. Je fais la météo. En chantant. Qui est très rapide à faire en France quand même. Hein. Parce que tu fais toutes les régions, tu dis ce qui s'est passé, puis on a eu des anticyclones, des évolutions. Le sud, c'est la merde. Non, tu nous fais un truc bien et propre. Sur quel air? Comment ça, sur l'air de. Ce qu'il veut, Chantons sous la pluie. Non, il fait ce qu'il veut, il doit bosser, il doit trouver un air, trouver une chanson, trouver des paroles et en plus, le faire face aux éléments, quoi. C'est quoi? J'accepte. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mec. Salut, c'est Norman. C'est Dylan Delray. Salut, c'est Warteg. Coucou, c'est Clara Chanel. C'est Hugo des Questions Con. C'est Doc Seven. Yo, c'est Seb Lafrite. Le YouTube Game. On en a eu des youtubeurs quand même dans cette émission. Ça fait plaisir et continuez à nous dire ceux que vous aimeriez qu'on reçoive. Là, vous nous dites ça par mail marion@funradio.fr et pour le YouTube Game, et c'est le même mail. Exactement, et c'est Samy de Saint-Germain qui est avec nous. Bonsoir Samy. Bonsoir les filles, salut les gars. Salut. Ça va Samy? Salut mon pote. Ouais, ça va. Ouais. T'as quel âge? J'ai 13 ans. T'as 13 ans, d'accord. T'es chaud pour le YouTube Game ou pas? Ouais, alors. Je le sens chaud, Samy. Et Samy, toi, t'as une chaîne YouTube ou pas? Non, j'ai pas de chaîne YouTube. J'ai déjà pensé en faire une, mais non. Ah, vas-y. Hey, il parle bien en plus. Ouais. Il a l'air détente et tout. Hein. Ouais. Et tu regardes toutes les vidéos, toutes les chaînes et tout, t'es au taquet? Ouais, je traîne à danse sur YouTube, c'est un truc de ouf. Bon, tu sais que si t'as au moins 5 bonnes réponses ce soir, tu gagneras donc le droit de participer à une de nos vidéos. T'habites où toi? À Saint-Germain. Donc tu peux peut-être venir dans les studios. 78, ouais. Ah, ouais. Cool. Donc on se fera une vidéo en live ensemble, ça va être cool, mais il te faut 5 bonnes réponses. T'es prêt? Ok, je suis prêt. C'est parti, première question. Quel âge a eu Ludovic, qu'on a reçu tout à l'heure, en avril dernier? Est-ce que c'est 26 ans, 27 ans ou 30 ans? Je sais pas, je dirais 27, peut-être. Bien wesh. Okay. Bien vu. Au pif, mais bien wesh. Ouais. Question, deuxième question, Samy. Comment s'appelle la dernière vidéo de Natou? Aucune idée. Des propositions, peut-être? Pas de proposition, mais t'es pas obligé de donner le titre exact, mais au moins le thème. C'est dur, c'est dur les amis. Ah ouais, c'est dur, mais on l'a vu traîner partout. Hein. Moi, je l'ai vu partout, sur Twitter et tout, partout. Un petit indice. Un indice... Bague. Les meilleures demandes en mariage. Bien, tu vois. Oh, bien joué. Tu vois que tu l'avais vu toi aussi. Ouais. Quels sont les deux prénoms des acteurs du Palma Show? Est-ce que c'est Grégoire et Damien, Grégoire et David ou Grégoire et Grégory? C'est Grégoire et Damien? Ah non. Non. C'était David. David Marseille, qui est hyper drôle. Attention, Samy, pourquoi Pierre Cross dit toujours... Alors évidemment, bonjour à tous. Est-ce que tu sais? C'est sa salutation au chaque début de vidéo. Ouais, mais il a expliqué dans une de ses vidéos, même dans plusieurs, pourquoi il disait ça. C'est un délire avec ses potes. C'est un délire avec ses potes, mais c'est compliqué. On peut pas mettre d'indice là-dessus. Ouais, c'est compliqué, mon pote. Alors, franchement, je sais pas du tout. Et en gros, le alors, c'est juste un tic de langage. Et le évidemment bonjour à tous vient de ses parties de Mario Kart avec ses potes. Ah ouais, ok. Maintenant, tu le sais. Deux bonnes réponses, deux mauvaises, on enchaîne. Qui a sorti comme vidéo Ninja? Est-ce que c'est Bat et Gaël, le Whoop ou le Studio Bagel? C'est Bat et Gaël. Ouais. Yes. Bien joué. Il est bon quand même. Ouais. Je suis en pression là. Moi aussi. Samy, qui fait la voix? Qui fait la voix du jingle? Okay. Comment il s'appelle dans le groupe celui-là? Tu peux donner... c'est Youssoupha? Non. C'était Mike. Ah ok, je sais pas du tout. Et Mike Kenley. Hyper serré, 3 bonnes réponses, 3 mauvaises. On enchaîne. Allez. En quelle année a été créé YouTube à 3 ans près? Alors réfléchis. Combien? 2006. Oh, oui. Ah ouais, bonne réponse, c'est 2005. 2005. Eh mais franchement, 2005. Bien vu. Pas mal. Hein. Au bout de combien de secondes apparaît le petit panneau publicitaire sur une vidéo? Est-ce que c'est 9,5 secondes, 10 secondes ou 11 secondes? C'est trop dur. Hein. Quel comme... petit panneau? Celui qui est en bas de la vidéo? Bah ouais, le petit panneau quoi. C'est 10 secondes, non? Non. Non, c'était 9,5. Eh, la question, elle est quand même chelou. Ouais, hein. Ouais, il en faut, il en faut. Bah ouais, grave. Elle est chelou. Attends, là, ça... il reste combien de questions? Il t'en reste deux et il te faut une bonne réponse. Ok. Ok. Quel youtubeur démarre sa vidéo de présentation comme ça? Bonjour à tous. Alors voilà, je voulais réaliser une bande d'annonce pour ma chaîne. Et je me suis dit que j'allais vous expliquer comment est-ce que je suis arrivé sur YouTube. Alors, est-ce que tu as reconnu ce youtubeur? Oh merde, non, pas du tout. On va te donner un indice déjà, il est déjà venu chez nous. Ouais. Et il aime les patates. Il aime les patates, je sais pas. Il aime les patates. Il traîne beaucoup avec le youtubeur Amine. Et moi je l'aime beaucoup. J'ai envie de manger des frites, mon pote. Hein. avec une frite au Seb, tu sais. Seb. Bah là quand même, Bichon, on t'a donné 1000 indices. Ouais, bah je suis pas du tout. Attends, qui est venu? Il est venu chez nous, ouais. On avait même fait avec lui une émission. C'était quoi, le 31 ou Lille? Ouais, Lille. C'était à Lille. Ouais. C'était à Lille. Lille, Excel, la faute. Ah ouais, mais c'était. Ah ouais, putain, je savais pas. Bon, c'est raté. C'est Seb Lafrite, Bichon. Ah, mais en plus, on l'a dit 15 fois. Ouais. Mais je savais pas, moi. J'étais pas là ce soir-là. Ouais. Ah bah. Moi, c'est à Lille, je faisais autre chose. Donc. Bon, alors la dernière. Alors, bon courage. Ouais. Combien d'abonnés Elsa Makeup a-t-elle sur YouTube? Attention, à 30 000 près. À 30 000 près. Non, à 100 000 près. Vous êtes malade, non, 30 000. Ouais, les amis, mais attends, mais déjà, s'il est malin, là, il est sur YouTube, il tape son blaze et puis il l'a quoi. Moi, je propose à 670 000 près. C'est pas mal ça. Mais non, mais moi, je suis pas un tricheur, je suis pas sur YouTube en même temps. D'accord, donc tu dirais combien? Ouais, à 670 000. Attends, Elsa Makeup? Ouais. 670 000. Elsa qu'on va bientôt recevoir dans cette émission, ouais. Je vous le dis, petite exclue. Si on pouvait la recevoir 670 000 fois, ce serait bien. Ouais, c'est clair. Ou même 674 000 fois, quoi. Ouais. Ce serait un truc de ouf. Allez, peut-être. 900 millions. Tiens, t'es nul pour voir les indices. Attends. Samy, on te balance des messages subliminaux. Tu l'as énervé là. Samy. Ça fait 3 heures qu'on te le dit, la réponse. Bon, attends, un petit indice ou pas? Bah, un petit indice, question, c'est moins de 700 000. Une dernière question? Combien j'ai de doigts, Samy? 7. Eh ben, bonne réponse! Ouais mais rien à voir! Mais attends, excuse-moi, à quel moment, c'est quoi le rapport? Bah, je sais pas. Je sais pas, mais on l'a craqué, là, faut lui offrir. Ah ouais, il me fait de la peine. Il comprend pas les messages subliminaux, il faut que je le voie pour lui expliquer. Excuse-moi, non mais... Il comprend plus rien. Et c'est pas ça, c'est que la prochaine fois, maintenant qu'on va avoir un gars, il va falloir faire gagner tout le monde, quoi, les gars. Non, mais je suis tout amour ce soir. D'accord, bon, c'était 674 000 abonnés, quand même. En plus, Samy. Ah ouais. Samy, on l'a quand même dit 1000 fois avec Anso, on n'arrêtait pas de dire 670 000 fois. Comme Seb Lafrite, mec, on l'a dit 500 fois, quoi. Arrêtez de l'engueuler, vous lui avez fait gagner maintenant. Bon, en tout cas, mais oui, il va venir. On va se faire une vidéo ensemble parce que t'as l'air hyper cool. Et quand même, t'étais calé. Le quiz de ce soir était pas si facile que ça. Donc bravo à toi, chérie. Ouais, grave. Bravo. Merci. On t'embrasse, le Sassa, le Mini. Merci, bisous. Oui, bah, bien sûr. En plus. Allez, il veut le beurre et l'argent du beurre. Rentre pas, Senzo. Bisous, Samy. Dans un instant, sur Fun Radio, nous aurons Eric au téléphone. Eric, il lui est arrivé un truc un peu chelou cette nuit ou je sais pas quand. Ouais. Mais en tout cas, il est arrivé qu'il couchait avec un membre de l'équipe. Oui. Oula, j'espère que c'est pas moi. Restez avec nous, 01 42 48 5000. On fait encore de la radio ensemble jusqu'à minuit. Après Benny Benassi sur Fun. I'm here at the end, if I could go back to the start, I'd do it again, yeah. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va vous annoncer le grand gagnant des réseaux sociaux de Marion Enso, là, qui a gagné les écouteurs Studio. Ça arrive, et l'opération Soche aussi, on vous envoie tout frais payé à Marseille. Kiffez un petit peu là, on vous annonce tout ça dans quelques minutes. Est-ce que je peux faire une petite aparté sur DJ Snake tout à l'heure que j'ai tweeté et qui m'a liké, donc on était contents, musique de la joie, blablabla. Ouais. Du coup, je me retrouve avec tous les DJ Snake du monde entier qui me like. DJ Snake India, je savais même pas que ça existait. Bah moi non plus. DJ Snake Eyes. Mais c'est des pages fans en fait, c'est quoi? Et DJ Snake Russia. Donc visiblement, nous allons être exportés en Russie également. Mais c'est qui ces comptes? C'est des gens qui sont fans dans d'autres pays? Ouais, exactement, c'est des les fans de tout pays. Tu crois qu'il y a Marion et Anso Russia et Marion et Anso India? Je sais même pas s'il y a une page fan Marion et Anso France alors. Bon, bougez pas, dans quelques minutes, on parle cul sur Fun Radio avec vous, avec Eric qui a fait un rêve érotique. Est-ce que je peux te dire sur qui ou pas? Bah oui. Eh ben c'est sur Anso. Oh, voilà. Le flatterie. Il est chaud, il est patate, il va nous raconter tous les détails dans un instant. Restez là parce que c'est croustillant, les deux. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Et Raïs Tréfi. Hi, this is Dimitri Vegas on Like Mike, and Fun Radio is our radio. Tini Tempa. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Come on. Fun Radio. Radio. More music now. Le son dance floor. Thought I could leave you, cause I feel my heart numbing. It hit so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay, stay. But I don't need you, and you should know that, baby. Show. Avec Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. 23h51, on parle cul. Enfin, ça nous avait manqué avec ah, Anso. Ouais, puis alors, ah, moi, ouais. Alors moi, parler cul, ça me détend. Bah, surtout quand quelqu'un a rêvé de toi, je suppose que t'es tout excité, quoi. Ah, bah oui, et c'est Eric qui est avec nous. Bonsoir, Eric. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Anso. Ça va, Eric? Oui, vous? Bah ouais, très bien. Alors toi, ton mail, il nous a vachement intrigués parce que tu nous as dit non seulement que t'avais rêvé d'Anso, ce qui est déjà pas mal, en plus que c'était un rêve cochon, et en plus qu'il y avait des points à éclaircir. En gros, t'as des questions à lui poser, quoi. Oui. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle est cochonne? Parce que, alors, non. J'ai rêvé d'elle... On va pas commencer par là. Déjà, tu vas nous raconter de son rêve, comment ça s'est passé, comment elle était, est-ce que c'était un bon coup, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait, je veux tout savoir. Franchement, le coup de l'année. Le coup de la décennie. Ouais. Ah, écoute, et je vous dis, c'est hyper gênant. Ouais. Ah ouais, écoute, j'arrive dans ma chambre, elle est devant mon lit avec une toute petite nuisette, toute transparente, et juste quand elle me voit, petit coup d'épaule, la nuisette qui tombe, droite, et bon, en dessous, juste un petit string. Bon, alors là, déjà, Eric, je te confirme que chez moi, un coup d'épaule et ça ne tombera pas. Et tu mets pas de string en plus, si? Non, je mets pas de string. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, rien. On est dans le fantasme. Hein. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah écoute, tout de suite elle se met à genoux et puis bah écoute... Ah ça c'est possible, oh, là par contre, ah, là, on est dans la réalité là. Ah ouais, et puis elle est douée. Hein. D'accord, et du coup, donc petite levrette au calme comme ça, et après? Ah écoute, j'ai non, ma petite levrette, l'oreille, hein. Ah non, une petite fellation. Ah oui, une fellation, elle se met à genoux. Ah oui. Ah j'avais compris, à quatre pattes, d'accord, petite fellation. Et elle est douée. Ok. Écoute, merci. Après... Écoute, après retournage sur le lit, ouais. Petit cuni, ouais. Bien épilé, vraiment magnifique. Ça me gêne. Moi aussi, propre. Les dingues. Une petite odeur de dope. D'accord. Le dope Madeleine, le dope lequel? Mais en plus, moi je prends le dope. Lequel? Le bleu. Lequel? Ah. Ah. D'accord. Et le Tahiti coco aussi. Voilà. Mm. Et donc là, bim, vous faites l'amour comme des bêtes. Ah ouais, écoute, elle me fait des choses. Le Kama Sutra revu entier, doué, j'ai fini de là, j'en pouvais plus. D'accord. Et alors, tu t'es réveillé à quel moment? Ah bah, quand c'était fini, avec une trique à ouais. Péter des murs. J'imagine. Non, mais c'est magnifique. Mais alors, cela dit, moi, ça m'arrive souvent de rêver comme ça de personnes externes. Et là, c'est un peu logique parce que vous nous écoutez. Donc, il suffit que tu sois endormi en écoutant Anso, ouais. Et bim, ton inconscient bosse. En plus, on parle de cul à cette heure-ci. Donc, oui, ça me paraît pas illogique. En revanche, je trouve que c'est extrêmement gênant parce qu'en plus, moi, j'ai pas du tout de mal à vous parler de ma vie, à vous confier ce qui se passe dans ma vie. Oui. Mais là, c'est très bizarre d'entendre parler de quelqu'un avec qui j'aurais pu faire l'amour alors que ça s'est pas passé. Et d'entendre des trucs qui peuvent être vrais, tu vois. C'est hyper, hyper confus. Ça m'est pas très à l'aise. Globalement, il t'avait bien cerné, je trouve, dans son rêve. C'est pas mal. Non, Kama Sutra et tout, il y a des trucs qui sont impossibles à faire. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais voilà, pour te répondre à ta question, il voulait savoir si t'étais cochonne. Réponds-lui. Non, mais c'est pas du tout être cochonne. C'est que je me suis jamais cachée que j'aimais. Je suis hyper. J'assume complètement le fait d'aimer le sexe et que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie comme n'importe qui en fait. Ouais, voilà. J'assume complètement le fait d'aimer ça. Après, je le fais pas avec n'importe qui, n'importe comment et toutes les 5 minutes. Ouais. Et dis donc, si je venais sur Paris, il y a moyen qu'on se rencontre? Bah, et si tu veux venir à Paris, tu viens dans les studios, Eric, mais on va pas. Je te cache pas qu'on va pas se rejoindre dans un hôtel et qu'on va faire l'amour tout de suite. Enfin, tu vois, je suis pas comme ça du tout, quoi. Non, pas tout de suite. Lui, il veut venir dans le studio et tu te mets à genoux et là, bim, tu vas. Ouais, c'est ça. Pendant l'émission, en plus, comme ça, l'exploit, quoi. Bon, tu sais quoi, mon pote, on va demander aux auditeurs s'ils ont déjà fait des rêves érotiques comme ça sur quelqu'un de l'équipe ou sur quelqu'un de connu ou sur quelqu'un d'improbable, n'importe. 01 42 48 5000. Et surtout, moi, j'ai envie de savoir dans l'équipe, ma team, est-ce que vous avez déjà rêvé de gens comme ça que je pourrais connaître ou que les auditeurs pourraient connaître? Ah oui. Anso, on commence par toi. Ouais, mais ça m'arrive beaucoup avec les patrons. Enfin, genre, depuis que j'ai commencé la radio, parce que de toute façon, j'ai fait que ça comme métier, j'ai toujours rêvé que je couchais avec mes patrons. Ouais. Et avec Karel aussi un jour, de Love and Fun. Mais non. Si, il y a hyper longtemps, j'ai rêvé que je couchais avec Karel. D'accord. Et alors, c'était comment avec Karel ? Bah, c'était bien, c'était pas mal. Mais en fait, c'est bizarre parce que c'était Karel, mais il avait pas la même tête, tu vois ? C'est souvent comme ça dans les rêves. Ah, je vous vois pas du tout faire l'amour ensemble. Bah, moi non plus. J'ai pas dit que. Attends, c'était pas le but. Est-ce que du coup, après, tu le voyais différemment ? Parce que parfois, ça arrive dans les rêves quand tu rêves que tu fais l'amour avec quelqu'un. Le lendemain, tu vois la personne sous un autre angle, tu vois ? Non, puis en plus, à l'époque, on avait des tranches qui se suivaient. Donc, je lui ai dit tout de suite, dès en arrivant, je lui ai dit, j'ai rêvé qu'on faisait l'amour toute la nuit et tout. Et ça nous a fait marrer, quoi. Et pas de tabou. Mais quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, quand, j'ai déjà rêvé d'une ancienne meuf que j'avais croisée. Ouais. Et j'ai rêvé d'elle et le lendemain, je l'ai croisée. Et j'avais un espèce de petit sentiment pour elle. Oui, parce qu'il y a des rêves qui font vraiment réel. J'avais l'impression que je l'aimais. Ouais. Ça, et surtout, si le rêve se passe bien et que la meuf, c'est un hyper bon coup et tout, tu peux pas t'empêcher d'imaginer, tu vois. Et en plus, j'ai l'impression que bah, du coup, il se passe un truc et qu'elle aussi, elle est attirée par moi. Ouais. Et non, en fait. Bah non. Ah non, elle s'en bat les couilles. C'est un rêve. Voyez mes sourcils. Hein. Mano, à la réa, est-ce que t'as déjà rêvé de quelqu'un connu ? Non, mais alors moi, j'ai grave honte, mais je pense pas que je couchais avec elle, mais des trucs avec Liane Folly. Oh, ouais. Mec. Non, mais t'as un regard. Écoutez, pour les plus jeunes, c'est ça. Et je reste planté là. Non, mais alors toi, t'es old school, quoi. Liane Folly, c'est pas possible, mec. Je suis pas sûr qu'on faisait l'amour, mais elle était nue, quoi. Et ton rêve, il était en noir et blanc, sinon ou comment... C'est pas possible. Mais Liane Folly, à quel moment elle t'attire pas en vrai dans la vraie vie ? Non, pas du tout. Je sais même pas ce qu'elle est devenue, cette... Toi, Marion, avec qui t'as déjà rêvé que tu couchais ? Alors, moi, comme toi, plein de gens du taf, mais pas forcément des patrons, mais des gens que je vois beaucoup dans la journée, parfois, ça peut me travailler. Et en personne connue, j'ai déjà rêvé que je couchais avec Nikos Aliagas. Ah ouais, bah du coup, alors bon coup ou pas alors ? Eh bah écoute, non, ça vaut pas le coup de se retourner, tu vois. Je dirais, je le prends pas dans ma team. Salut. Non. Mais t'avais bossé avec lui en plus. Oui, j'avais bossé avec lui, donc je pense que c'est pour ça. J'avais été dans son équipe sur une matinale sur une autre radio et ça m'avait travaillé parce qu'il parle beaucoup de cul, Nikos. Il est beaucoup plus libéré que ce qu'on imagine. Et, mais dans mon rêve, non, c'était pas la folie quoi. Et du coup, vu que Mano à l'area, c'est très bien limité, est-ce que. Salut quand... Marion. Est-ce que ça t'excite ou pas ? Là, ça fait. Je suis mec, salut. Surtout, je vois la gueule de Mano en fait. Je veux bien faire des efforts d'imagination, mais. Non. Il y a du monde au standard, il y a Stéphanie de Limoges. Bonsoir Steph. Salut les filles. Ça va Steph ? Ça va super bien. Alors dis-nous, est-ce que toi, tu as déjà rêvé de quelqu'un qu'on pourrait connaître ? Non, pas que vous pourriez connaître, mais quelqu'un de mon entourage, oui. Ah, qui ? Mon oncle. Oh, non. Oui, comme vous dites, oui. Ah la cata, mais c'est pas possible, c'est de l'inceste. Ça... Ah, oui, non, mais quand j'y repense, ça me fait froid dans le dos, mais bon, sur le coup, c'était super agréable. Mais non. Mais tu t'es réveillée trop mal, non ? Quand même, ouais. Et t'habites où ? À Limoges. Bon, bah, bon, alors. Ok, à Limoges. Ouais. Oh non, mais Marion, ouais. La meuf sans respect. Écoute-moi bien, Marion. Ah, Marion, ça, c'est pas cool. Marion, et j'ai pas cité de ville ? Bah non, mais on a très bien compris où tu voulais nous emmener où. On est pas con. Bah, je suis désolée. Très bien que tu parles de Nice. Et Stéphanie, bah oui. Stéphanie, on est d'accord que tu lui as jamais dit, hein ? Ah bah bien sûr que non. Ah. Et alors, trop honteuse. Bon coup, tonton ou pas ? Bizarrement, oui. Okay, il m'a fait peur, quoi. Eh bah alors, qu'est-ce que vous faites ce midi ? Bah on va dîner chez tonton bon coup. Alors par contre, l'oncle c'est hyper malsain. Par contre, je pense que ça arrive à plein de gens de rêver du cousin ou de la cousine hein, en mode sexe. Bah non, oui, non. C'est bah si. Je suis désolée, c'est de ton âge et tout. On a tous fantasmé sur un cousin éloigné. Et ah bon ? Je suis la seule. Non. Bah arrêtez, on en a déjà parlé, Enzo. Non mais moi j'ai déjà embrassé ma cousine. Quand bah là. Ah oui, moi aussi. Ah bah oui. Moi aussi. Bon, tu bah oui. Pas moi j'ai embrassé ses lèvres du bas. Ah. Non mais alors, attendez parce que vous me faites c'est rire. Pas vrai. Non c'est pas vrai. Vous me faites rire parce que vous faites les offusquer pour un rêve. Par contre embrasser, y a pas de galère. Oui c'est vrai. Enfin, je sais pas. Y a quand même une échelle de la du malsain quoi. C'est vrai qu'on t'a regardé genre elle est malsaine arrivée de son cousin et puis ouais moi j'ai déjà embrassé. Ah oh, bah oui moi aussi. Bah, n'importe quoi. Non mais c'est normal. C'est des gens qu'on voit souvent, qu'on souvent nos âges, donc ça peut arriver. C'est l'inconscient après. Bon on arrête de rêver de tonton Steph hein. Ah bah ça c'est clair, oui, mon dieu. J'avais peur de me rendormir après, parce que je me suis réveillée, j'ai eu peur de me rendormir. Hein. On t'embrasse Steph. Bisous moi Steph. Moi aussi je t'embrasse les filles, bisous. Il y a Jean de Lille aussi qui est avec nous, bonsoir Jean. Bonsoir, salut. Ça va Jean ? Ça va et vous ? Ouais, très bien. Est-ce que toi tu as déjà rêvé de quelqu'un de connu ou autre ? Alors malheureusement oui, parce que pour le coup c'est pas du tout un fantasme, mais c'est arrivé, donc je vous dis pas qui tout de suite, je vous raconte et puis vous essayez de deviner la personne. Ça marche, vas-y, on t'écoute. Donc j'étais au salon d'agriculture dans mon rêve, hein, et autour des vaches, et puis il y avait ce monsieur qui était là près de la barrière. François Hollande il s'appelait François, effectivement. Non, mais t'as rêvé que tu couchais avec François Hollande ? tout à fait. Ah non, ça c'est glauque. Mais t'es gay à la base ou pas du tout? Je suis gay à la base. Ah oui. Ouais. Alors ça va. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de lui, mais c'est arrivé quoi. Et alors bon coup ou pas? Ben pour le coup, il est très très chaud. Hein. Moi je voulais pas. Hein. Je disais mais non, Monsieur le Président, on peut pas. Voilà, c'est interdit. Enfin, on peut pas quoi. Et lui, il était très très chaud. Il a commencé à me mettre des langues et tout. Il s'est mis à genoux. Ah, j'arrive pas à imaginer. Il m'a fait une bonne fellation que je me suis réveillé avec le musper partout. Ah bah, oh le musper donc. Hein. Ok, c'est ça. J'avais jamais entendu. Ah, d'accord, et bah écoute, c'est un rêve. Et depuis, est-ce que tu fantasmes sur lui? Est-ce que tu le trouves un peu séduisant ou pas ça t'est passé? Pas du tout. Non. Bah, comme absolument ça. Pas. Non. Okay. Comme quoi, les rêves sont étranges. Et bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous en tout cas. Bisous, Jean. Merci à vous. C'est à bientôt. L'équipe, pour terminer, j'ai envie de faire un petit jeu sur les rêves érotiques. Allez-y. Je vais vous proposer des rêves. À vous de me dire si ça vous excite, ça vous amuse ou ça vous dégoûte. Okay. D'accord. Vous avez retenu les mots? Okay. Excite, amuse, dégoûte. Ouais. Allez. Si vous étiez spectateur d'une orgie avec des gens que vous ne connaissez pas. Oh, ce rêve-là. Ouais, si. Ça vous excite? Drôle. Excite. Ouais. Ok. Spectateur d'une agression sexuelle. Ah bah non, ça me dégoûte. Ça dépend. Je le démonte. Acteur porno avec une star du porno. Ah, sympa ce rêve. Acteur porno. Tu rêves que t'es acteur porno avec une star du porno. Ça t'excite? Ah, ça t'amuse? Ça m'excite, frère. Ou ça te dégoûte? Moi, je sais pas, ça me dégoûte un peu. Non, c'est excitant. Ah, moi, ça m'excite. Moi, ça me chauffe pas. Ok, il y en a pour tout le monde. Acteur d'une scène érotique avec votre partenaire devant des proches. Ah non, ça me dégoûte. Mais non. Un rêve érotique où tu vois un membre de ta famille en pleine action. Ah, mais non, ça me dégoûte, mais c'est horrible. Je sais pas. Si c'est la sœur d'Amir, ça va. Ouais, je confirme. Excuse-moi, toi aussi, tu t'y mets. Alors, même Marion s'y met. Elle est sérieuse, elle. Acteur d'un porno avec des personnes de petite taille. Ça me dégoûte. C'est amusant. Bah oui, ça vous amuse quand même, c'est une expérience. Spectateur d'un gangbang avec tous les membres de l'équipe et de la radio. Ça doit être tellement énorme à voir. Et non, franchement, ça m'amuse. Moi aussi. Ouais. Ah, ça me fait marrer. Ouais. Acteur d'un boukake géant avec pour cible les sourcils d'Amir. Est-ce que t'as l'image du rêve ou pas? Ah ouais, ça m'amuse. Je vois trop Amir en tailleur avec ses sourcils en avant. C'est très humiliant, mais ça va tout absorber ou quoi? Mais bah ça, oui, ça les nourrit. Tu sais que c'est nourrissant le sperme, Amir. Ah bah tiens, bah je vais essayer ce week-end, tiens. Ouais. Bonne idée. Bon, dans un instant, sur Fun Radio, on va retrouver Party Fun, mais juste avant. On vous en parle depuis le début de la semaine. On vous avait promis de vous envoyer à la Soch Freestyle Cup. Ce sera la plage Borély et participer au Roxy Fitness. C'est un truc spécialement pour les filles. Journée 100% féminine avec du yoga, du running, du stand-up paddle. Et on vous y envoie hébergement, hôtel 4 étoiles, le transport, tout ça inclus. Et on appelle la gagnante. Où que vous soyez en France, ça marche. C'est un bon truc, ça, un petit week-end comme ça le 26 juin. Ouais, grave. Franchement, c'est cool. Et il fait beau à Marseille en plus. En ce moment. Et la plage Borély est une bien belle plage. Oui, allô, Amélie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, Amélie? Oui, ça va, et vous? Bah oui, on habite où, Amélie? Eh bien, Amélie, elle habite sur Bordeaux. Elle habite sur Bordeaux, elle aimerait bien aller à Marseille? Mais carrément. D'accord, elle a joué dans le night show, elle nous écoute souvent? Ah, très souvent, oui. Bon, et puis, bon. Je vous ai déjà vu, donc déjà rencontré, donc voilà. Où ça? Je suis allée sur Marseille, c'était pour la Christmas Tour. Ah, c'était pas moi, ouais, c'était l'équipe de Fun Radio. Ah oui. Oui, c'était l'équipe de Fun Radio avec Bruno, Elliot, Vachy. Oh bah, voilà. C'est la famille Fun Radio. Oh bah oui, voilà, ouais. J'ai envie de dire, voilà. C'est complètement gagné, bravo. Bravo, Amélie. Oh ouais. Amélie, tu vas partir le 26 juin prochain pour une journée 100% féminine. Ce sera pour la Soch Freestyle Cup sur la plage Borély. Tu vas participer au Roxy Fitness, hôtel 4 étoiles, transport, cadeau Roxy. On va te mettre bien, Amélie. Bien, comme on dit à Bordeaux, quoi. On t'embrasse, chérie. Kiffe. C'est énorme. Fais des photos. Merci. Et tu nous envoies tout ça, ok? Avec plaisir. Allez. Avec plaisir. On t'embrasse. Merci beaucoup et bisous à toute l'équipe. Bisous. Merci à la famille. Et on va aussi féliciter Célia, qui est la grande gagnante des réseaux sociaux Marion et Enzo, qui remporte ses écouteurs studio. On va balancer son blaze là partout. Elle va nous envoyer une petite photo avec les écouteurs. On lui envoie ça dès demain. Oui. Bravo, ma Célia. T'as partagé, t'as retweeté. T'es au top. Vive toi. Bonsoir, Adrien Thomas. Bonsoir. Comment ça va? Ça va superbement bien. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Ce soir, c'est Party Fun by DJ Mag France. Une fois par mois, ils invitent un petit DJ comme ça. Ouais. Et une heure de mix en exclu, quoi. À la cool, au calme. Il est bon. Et donc, c'est qui ce DJ? C'est Moti. Alors, ça vous parle pas peut-être, mais bah, Moti, si. Il a bossé. Alors, vas-y, c'est qui? Bah, Moti, il a bossé avec les plus grands. Ouais. C'est un truc de ouf. Je crois que Snake va en faire son protégé. Ouais, allez. Et je crois que c'est un DJ hollandais. On est motivé. T'imagines si elle disait vraiment la vérité? Ça aurait été énorme. Non, pas du tout. Non, il a fait le... c'est lui qui a fait le morceau Boom avec Major Lazer, là, le morceau qui est sorti. Et est-ce qu'il est hollandais ou pas? Je sais pas, écoute, tu me poses des questions, ouais. Toi. En tout cas, t'as bien bossé. Hein. Ça va, oh, ouais. C'est cool. On les connaît non plus. Hein. Bon, donc voilà, une heure de mix jusqu'à une heure. Tu vois. Ça marche. N'oublie pas hein. Que nous nous retrouverons dimanche soir en direct à partir de 22h. Que ceux qui ont l'occasion de venir au chaudron du Portel demain soir, bah, on sera avec vous pour faire la teuf pour le Fun Radio Live avec plein d'artistes et ça va être chambé. Et puis voilà, toutes nos conneries à retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Marion et Anso Gaming aussi disponible. Comme ça, vous pouvez voir nos faces tout le week-end si on vous manque trop. Ouais. Et puis on va terminer en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Merci beaucoup. Calme. Minuit. Les plus grands DJ de la planète mixent sur Fun Radio. Oliver Heldens. Hey, this is Chucky. Hardwell. Oumet Oskan. Sébastien Bennett. Hi, this is Laidback Luke. Nicky Romero. Sultan Ahmed Shepard. Nervo. Don Diablo. Gregory Klossmann. Hey, it's Rieff. 3, 2, 1, 0. Et ce soir, c'est Party Fun spécial DJ Mag. Avec le mix de Moti. the last. Why would we wait? Why would we wait? And every road could be unsafe, but we'll be okay. Germany. You might